C'est fou! 89.1. Le plan d'aujourd'hui, s'il y en a un assemblage requis, David Ferron viendra nous lire le son de campus en plus de recevoir une invitée spéciale. Et on va célébrer notre émission la plus chargée, mais aussi la moins longue dans une grosse pointe à l'adresse. C'est à se demander si on faisait même une intro. Ouais. Assemblage requis commence. Tout de suite. Ah, mais peut-être. On sait pas. Mais on verra. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. En ce jeudi 8 février 2018, on est à 78 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, là où les ordinateurs ne fonctionnent pas. C'est là qu'on préfère être en rediffusion des studios de C'est fou ben à Trois-Rivières, oui, hey, avec notre équipement qui date de la décennie... C'est ça. On pourrait dire qu'on s'ennuyait de l'ancienne case horaire. T'sais, on a décidé de commencer à 7h. Ouais, c'est ça. Et je m'ennuie encore plus d'ancienne case horaire. On était en après-midi, entre 15h et 17h la première année. C'est... Non, il faut comprendre, on a eu quelques petits pépins. Petits pépins, tu dis? Avec l'ordinateur principal. Et ça continue encore parce qu'il n'y a rien qui veut charger, mais c'est pas grave. Mais non, on va vous faire une belle émission pareille, parce que grosse émission chargée, Mathieu. Et tu dis une émission qui n'arrêtera pas de continuer pendant un bon bout de temps. On a tellement d'invités. On va voir plus tard à 8h30 Alassania Kouyi qui va venir nous parler de l'École internationale de français. Mm-hmm. C'est une ancienne chroniqueuse de l'émission. Ben oui, tout à fait, mais très, très occupée ces temps-ci. Mm-hmm. Alors, elle n'a pas nécessairement le temps de venir faire le bus magique. Mais on la reçoit à certains moments, comme ça, sur le fly. Pour discuter de certains événements. Exactement. Ensuite de ça, on va recevoir des gens d'une exposition qui commence à la Galerie R3, dont le vernissage est aujourd'hui. Ça va être vers les 8h45. À 9h, on va parler du concours Musicalité. Et puis à 9h30, on va faire une grosse pointe à l'adresse. Donc c'est pas mal le plan d'aujourd'hui, avec éventuellement peut-être même une chronique de toi. Peut-être même, on ne sait pas encore. Écoute, on va peut-être courir après notre temps aujourd'hui. Alors si on a le temps justement, on devrait essayer de démystifier un petit peu les super aliments parce qu'on a parlé d'aliments transformés, on a parlé d'aliments hyper transformés et là je me suis dit tant qu'à ça on va parler des super aliments. Ah, génial. Hey, donc peut-être rien-moi. Plus tard, ça devrait. Ben oui. Tout va bien aller. On commence l'émission aujourd'hui avec David Ferron. Salut David. Salut. Ça va en plein entrain de motivation toi aussi hein? Oui. Je suis un enfant dans mon cœur. C'est ça. Ben ouais, on aime ça. On a plein de choses à faire avec toi. Tantôt, on va parler un petit peu du Zone Campus. Là, à peine, on va l'aborder parce que le numéro sort cette semaine. On en reparlera plus en profondeur une autre fois. Mm-hmm. Mais on va commencer l'émission tout de suite, étant donné qu'on a vraiment pris beaucoup de retard, avec ta chronique, la carte bleachée. David Ferron, qui est là pour sa chronique à tendance musicale, ou en tout cas, on lui laisse carte blanche, d'où le nom carte bleachée. C'est comme plus blanc que blanc, hein? Il se mange 3-4 Tide Pods le matin comme premier déjeuner, puis c'est parti après ça. Ben oui, après ça, je me sens pur, propre et intègre au fond de moi. S'il vous plaît, ne faites pas la même chose dans la maison. Non, il y a juste David qui est un professionnel. C'est ça. Il peut remettre son bras et vous pas. En fait, la carte bleachée, parce que comme un javelisant, c'est que ça... En fait, ça décape. Oui, ça décape. Ça devient blanc brillant. Oui, c'est tellement décapant que ça en devient brillant. J'aime ça. C'est beau, hein? Oui. Donc, aujourd'hui, dans ta carte bleachée, David, t'as une présentation spéciale. Enfin, une invitée à qui t'as parlé. Oui, hier. Avec l'artiste qui est d'origine de la TUC. OK. Sophie Villeneuve, qui est une auteure-compositrice, interprète qui habite désormais au Yukon. Oh, wow! Oh. Mais là... Pour les deux prochaines journées, elle fait une petite tournée dans la région. Elle sera à la TUC ce soir et demain à Saint-Élie-de-Caxton. De Caxton. Okay. Ouais, Caxton. Saint-Élie-de-Caxton. Vous allez avoir les boys. Là, je sais pas. Ben oui, Saint-Élie-de-Caxton. Ben oui, c'est ça? Ouais, Saint-Élie-de-Caxton? Oui. Ben oui, youpi. Ben oui. Donc, elle sera là... Entrée et motivation. Oui, ouais. Donc, elle sera là demain au Rond-Coin. Rond-Point? Je me rappelle plus l'endroit. Rond-Coin ou Rond-Point, David? Ça va pas bien, ton affaire. Des informations ce matin, attends un peu. Mon ordinateur a buggé. Ben non. C'est un Mac, impossible. Non, c'est l'ordinateur interne au fond de moi. J'ai pris trop de Typepod, finalement, ça a pas fait l'affaire. L'erreur est peut-être des fois la personne. Mais elle sera à Saint-Élie de Caxton pour un show demain, puis ce soir elle est à la TUC et elle nous a accordé une entrevue. Oh. Une artiste très sympathique qui a sorti il y a quelques semaines Le Chant du Hibou. Ouais. Et pourquoi Le Chant du Hibou? Ben, il faut écouter l'entrevue pour le savoir, mais c'est un album qui a des sonorités country, blues aussi. Je suis sûr que la famille Baudin trouverait son compte. Ah oui? Ah ouais. Eux qui sont aussi remplis de goûts musicaux divers. C'est ça que tu veux dire? On va voir. Mais quelqu'un de très sympathique, l'entrevue était supposée durer 10 minutes, puis finalement, ça a duré 20 minutes. Ah, j'adore ça. C'est ça que ça fait des fois. Hein? Oui, quelqu'un qui se dit introverti, mais très volubile et très généreuse. Il faut juste quelqu'un qui est bon pour la faire parler. Ah, ben merci. N'est-ce pas, c'est toi, ça? Ben, elle a tellement de choses intéressantes que quand un artiste est intéressant, c'est facile de, justement, de vouloir en connaître davantage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'on s'en va entendre ça? Oui. Alors, Sophie Villeneuve avec David Ferron, un petit peu plus tôt dans nos studios. Je suis avec Sophie Villeneuve, auteure, compositrice, interprète du Yukon. Bonjour, Sophie. Allô? Ça va bien? Oui, super bien. Oui, en fait, vous venez à la TUC pour un show pour demain ainsi qu'à Saint-Élie de Caxton. Et là, ça, j'ai appris que vous veniez de la TUC. Et qu'est-ce que ça fait de retourner dans son patelin, si on peut dire ça comme ça? Ben, c'est vraiment c'est vraiment cool, en fait, parce que ben c'est ça, ce spectacle-là, j'ai tout fait de la mise en scène moi-même, c'est des nouvelles chansons, je viens de sortir mon album, puis ça va être le premier show, dans le fond, que je vais faire, ça va être dans ma ville natale, à la TUC, fait que ça va être le fun d'avoir le pouls un peu du public, tu sais, vu que c'est un public familier qui me connaisse, d'avoir leurs commentaires après, puis de se sentir vraiment à l'aise sur la scène, puis de connaître les gens dans la salle, ça va être vraiment le fun. Puis à Saint-Élie-de-Caxton, au Rond-Coin, j'ai jamais joué là. Je vais être en première partie de Liliane Pellerin. Puis c'est ça, c'est une yourte, en fait, au Rond-Coin. Puis moi, ça m'interpelle beaucoup parce que c'est ça, au Yukon, ben, je suis une fille de plein air, j'aime ça. Les grands espaces, j'aime ça aller camper en nature. Fait que le fait que ça soit New York, on dirait que je vais me sentir chez moi. Puis justement, parce que il y a la chanson qui s'appelle Il fait fret, qui dit justement qu'à moins 30, tu viendras dormir à moins 30 dans une tente, tu verras que c'est pas si fun que ça. Finalement, on découvre plusieurs personnalités dans l'album, justement, celle qui trouve qu'il fait trop fret, celle qui veut se venger de son ex qui l'a laissé, celle qui est controversée. D'où viennent tous ces personnes? Ben, ça vient de différentes inspirations, comme tu l'as mentionné, l'histoire de l'ex. Ben, c'est que au Yukon, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui vont. Les touristes en font partie. Puis quand je suis arrivée au Yukon, c'est ça, il y a un gars de l'Ontario qui est venu, puis là, on était tombé en amour, gros coup de foudre, puis quand il est reparti, il était là, oh, ouais, tu sais, je vais revenir au Yukon, puis ça, c'est l'histoire classique, tu sais, les touristes disent toujours qu'ils veulent revenir, puis finalement, ils reviennent pas, fait que ça l'a inspiré des chansons, Le Petit Cœur en laine est inspiré de cette histoire-là. Fait que ça, c'était la première partie quand j'étais arrivée là-bas, puis après ça, ben j'ai rencontré un local avec une barbe qui est né au Yukon, puis c'est ça, c'est mon chum actuel, donc Yukonais Purlaine, qui m'a introduit au ski hors-piste, d'où la chanson Avalanche. Après ça, lui, c'est ça, sa famille faisait du traîneau à chien depuis qu'il était jeune, fait que il m'a montré à faire du traîneau à chien, puis là on est parti l'hiver dernier habiter dans le fond des bois au Yukon en traîneau à chien. C'était 50 kilomètres de traîneau à chien, ça faisait 5h30 se rendre dans ce petit chalet là, puis il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Puis c'est là l'inspiration de il fait fret parce qu'on habitait dans une tente prospecteur pour entraîner les chiens avant cette expérience-là. Puis après ça, il est temps de partir, introverti, vient de ça un peu. Fait que Ouais, fait que c'est finalement, c'est comme un peu, cet album-là est un peu mon parcours depuis que j'ai quitté le Québec en 2013 pour m'en aller au Yukon. Puis beaucoup les expériences que j'ai vécues là-bas depuis ce temps-là. Mais justement, autre que l'amour, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous, vous êtes resté justement au Yukon? Ben moi, c'est que j'aime beaucoup être seule. c'est un peu le concept de la chanson introvertie. Puis j'apprécie pouvoir aller en plein air sans nécessairement rencontrer 20 personnes sur le sentier. Fait que c'est ça que le Yukon m'offre la grandeur, l'espace, la quiétude, les paysages, les montagnes. Puis je trouvais qu'au Québec, en tout cas dans les dernières années, j'allais beaucoup dans les parcs provinciaux, puis je trouvais que justement c'était rendu un petit peu trop il y a trop de monde, on dirait. Puis j'avais le goût d'aller dans un endroit où il y aurait plus d'espace, finalement. Fait que c'est un peu ça qui me garde là-bas. Puis outre ça, mais l'authenticité des gens là-bas, les gens sont très centrés sur les mêmes valeurs que les miennes, c'est-à-dire justement laisser de la place pour avoir des loisirs, puis pas nécessairement travailler 60 heures semaine. C'est vraiment la qualité de vie en premier pour les Yukonais, puis je me reconnais là-dedans. Fait que c'est un peu tous ces facteurs-là qui font que je reste là-bas. Okay, vous sentez carrément chez vous? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand je reviens au Yukon maintenant, c'est drôle parce que je survole les montagnes, puis là, je le sens que je reviens à la maison. Puis quand je viens au Québec, ben c'est sûr que c'est ma terre natale, mais le plus longtemps je reste au Yukon, puis le plus que quand je reviens au Québec, je sens que c'est moins, un petit peu moins chez nous à chaque fois. Même si j'ai quand même des racines ici, puis c'est sûr que c'est l'autre fois je m'en venais à Montréal, puis je me disais, hey, il y a tellement des chaînes de radio au Québec, ça m'a vraiment frappé, tu sais, à chaque point 3 d'onde, là, tu captes une nouvelle chaîne, puis là, il y avait des chansons, puis la chicane, du vieux Céline Dion, du rock voisine qui venait vraiment me chercher mes racines. J'étais comme, ah, ça, c'est le fun d'écouter des vieux hits québécois. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un aspect d'ici que ça va toujours m'interpeller, mais c'est ça. Mais de plus en plus, je deviens un petit peu plus nordique et moins du sud. Puis, parlant de nostalgie, parce que dans l'album, on voit pas que Rock Voisine vous a tant que ça influencé. Moi, je me trompe, parce que il y a quand même pas mal de styles comme du jazz, bluegrass, country aussi également. Il y a même un petit peu de Balkan là-dedans. Donc, vos influences, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un petit peu de Québécois? Est-ce que c'est beaucoup l'équipe de musiciens qui vous entoure? En fait, c'est quoi les influences musicales? Je dirais, il y a beaucoup de, mettons, du Jean Leloup, les Colocs, tu sais, avec le Pantin, je sais pas si vous avez reconnu un petit peu l'influence Coloc là-dedans. Ah, c'est ça, je vais demander, mais ça me dit quoi? Puis le côté de Balkan, ouais. Le petit côté fanfare aussi, ça vient d'où ça? Ouais, fait que tu sais, le Québécois ressort quand même en moi, à travers l'album. Sinon, c'est sûr que au niveau folk, des Sœurs Boulées m'inspirent beaucoup. Lisa Leblanc, dans son style d'interprétation, je pense que je vais chercher beaucoup de dans la façon qu'elle s'exprime. Fait que c'est pas mal ça, mes influences, mais c'est ça, sur l'album, je me déplace beaucoup, comme tu le dis, en style, commence klezmer un petit peu, après ça, on s'en va dans d'autres choses avec le blues sur Monopole, puis à la fin, on finit super folk, banjo, tu sais, hi-ha. Fait que je pense que c'est important pour moi de montrer un petit peu mes différentes influences, puis aussi que l'album sonne pas tout pareil de A à Z, puis qu'il y a une belle variété, puis les gens, après 30 minutes, je pense que l'album est comme 31 minutes, mais qu'après 31 minutes, ça se dit, ah, oh, j'aimerais ça en avoir encore, tu sais, comme les laisser un petit peu sur leur fin. Fait que, ouais. Fait que c'était un peu ça le but. Introvertie, mais capable de laisser les gens en suspense. Ouais, c'est bon, ça. C'est intéressant, ça. Donc, sur scène, est-ce que justement, on va voir, en fait, comment quelqu'un d'introverti réussit justement à tenir son public en haleine? Ben, c'est drôle parce que sur scène, c'est tellement différent d'un contexte de groupe. Parce que, par exemple, si je suis en groupe avec des gens souvent, à moins qu'on soit en bas de trois personnes, je vais prendre plus la parole, mais si dans un grand groupe, c'est pas moi nécessairement qui va comme lider le bal, là, dans le sens que je vais attendre que les gens me posent des questions avant de prendre la parole. Mais sur une scène, t'as le micro, fait que c'est plus facile de s'exprimer parce qu'il y a personne qui t'interrompt. C'est ça, fait que dans le fond, je me décrirais comme une introvertie dans le sens que je recharge beaucoup mes batteries de mon temps passé seul, mais avec un sens de l'expression assez fort, c'est-à-dire que quand tu me donnes le micro, je suis capable de livrer la marchandise. Fait qu'en show, c'est beaucoup mes chansons, mais entrecoupées de beaucoup d'histoires, comme un peu des contes finalement. Donc j'essaie de que chaque chanson, tu sais, les gens savent un peu pourquoi je l'ai écrit, dans quel contexte, puis qui les guider un petit peu dans mon univers nordique. Donc les gens, c'est comme s'ils viendraient voir une amie d'une certaine manière. Ouais, c'est comme si on était assis autour d'un feu de camp puis que je vous jouais des tunes puis que je vous expliquais un petit peu. Ah bon, mais ça, j'ai écrit ça pendant que j'étais dans une tente prospecteur puis que Clémentine avait gelé à moins 40 parce que j'étais partie pendant plus de 2 heures. C'est des petites anecdotes comme ça qui va faire que la personne, quand elle écoute la chanson, ben, elle va plus comprendre les références et tout ça. Puis moi, c'est ça un peu que je vais chercher quand je vais voir un show. Je m'attends pas à ce que ça soit exactement comme l'album. On va chercher le petit extra, dans le fond, qui fait que tu te sens spécial quand tu écoutes l'album, de dire « Ah, tu sais, moi, je sais pourquoi elle écrit cette chanson-là. » Fait que c'est un peu ça que je veux offrir au public, c'est ce petit bonus-là. Il fait frette. Les clémentines sont dures comme des roches. Le savon à vaisselle a figé dans bouteille. Les bières qu'il y avait sa table ont explosé. Il fait frette. Le zipper de la porte et le siège de la Bécosse s'est dépouillé de son hospitalité. Il fait fret. Mon cellulaire m'a laissé tomber. iPhone needs to warm up. Pis il est pas le seul. Quand le mercure drop, pis se fout ben de ma gueule. Il fait fret. J'ai du brouillard de glace qui me sort de la bouche. C'est pas des farces, j'ai de la misère. Articulé, mes doigts ont perdu toute dextérité. Sophie Villeneuve, auteure, compositrice, interprète sur un album qui s'appelle Le Chant du Hibou. Pourquoi Le Chant du Hibou? En fait, c'est comme je te parlais tantôt de l'expérience qu'on habitait dans un chalet l'année passée. Puis à chaque soir, on pouvait entendre le hibou chanter. C'était comme un hibou domestique dans un sens parce qu'il était tout le temps sur le territoire autour de la cabane. D'après moi, c'était son territoire de chasse puis il le protégeait. Il y a des soirs qui étaient plus proches, des soirs qui étaient plus loin, mais à chaque soir, je l'entendais, puis même des fois, à travers les murs en bois rond de la cabane, je pouvais l'entendre en allant me coucher. En tout cas, je vais laisser le défi aux gens. Il y a deux références au hibou dans deux chansons différentes, en fait. C'est ça. Je l'ai glissé comme ça dans l'album, puis vu que c'était ça, l'expérience de la cabane et tout ça était une des grosses inspirations de l'album, ben, je voulais vraiment que ça soit le stamp un peu de la couverture de l'album, mais aussi du titre. Ah, OK. Donc, c'est ça au lieu de traîneau à chien, par exemple. Ouais, tu sais, je voulais que ça soit un peu plus poétique, puis que ça, je sais pas, que ça pique la curiosité. Et ça fait une belle pochette d'album, je trouve. En tout cas, le chant du hibou. Oui. Oui, c'est une artiste du Yukon, une francophone, Émeraude Dallaire-Robert, qui a fait tout le graphisme de la pochette. Puis j'ai tout un concept de trilogie d'albums qui s'en vient aussi, en tout cas, je sais pas encore comment ça va se dessiner, mais l'idée, ce serait que ce serait une trilogie et que le deuxième album, ce serait vraiment la personne qui est ancrée au Yukon. Ça fait un bout qu'elle est là, puis tu sais, elle en a vécu de ne pas être allée à la chasse. Fait que ça va. Le premier album qui a vraiment installé un petit peu l'histoire de pourquoi je suis allée là-bas, puis c'est quand j'ai découvert le Yukon, mais le deuxième album, je pense que ça va être vraiment quelqu'un qui a vu neiger un peu, là, puis qui est rendu au nord, ça fait un bout. Quelqu'un qui a eu assez de dangereux au pied. Ouais, c'est ça. Puis qui a vu, qui a vu des gens partir. Puis ça, là, parce que c'est ça. Il y a plein d'amis. Moi, je me suis fait des amis là-bas. Puis je comptais l'autre fois, il y en a au moins 8 qui sont repartis, des bons amis, tu sais, qui prennent des contrats de 2 ans puis qui s'en vont. Fait que les Yukonais, ils se développent un peu une carapace au fil du temps parce qu'on se fait souvent abandonné, si on veut, parce qu'il y a bien des gens qui retournent au sud, il y a des gens qui ont de la famille, qui commencent à avoir des enfants, puis là, ils trouvent ça lourd d'être loin de la famille. Fait que c'est souvent, c'est ça, de se faire des nouveaux amis, puis des gens qui repartent, puis fait qu'on est constamment, on fait face à ça tous les jours. Parce qu'on sent justement dans l'album que vous êtes prête justement à quitter, à abandonner ou à laisser des gens, par exemple, la fin d'une chose qui parle justement, qu'on ferme un chapitre, qu'on en ouvre un autre. Donc, est-ce que avant d'aller au Yukon, justement, vous avez déjà ce tempérament-là? Parce que pour être une artiste, il faut être prête à partir, souvent en tournée et tout. Donc, vous aviez sûrement que vous avez déjà ce tempérament-là un peu déjà? Oui, mais pas au niveau artistique, dans le sens que j'écrivais pas de chansons avant d'arriver au Yukon. C'est vraiment une carrière qui s'est développée en arrivant là-bas. Moi, je suis juste une interprète, j'avais jamais fait de scène même. Fait que la scène qui est vraiment nouveau, ça fait 3 ans que je fais de la scène. Puis là, c'est avec les concours des galas de la chanson que là, j'ai remporté des prix. Puis là, tranquillement, je mets des briques une après l'autre. Mais c'est quand même assez récent, toute l'histoire de la carrière en musique. Fait que je n'ai pas habitué à faire de la tournée. Tu sais, présentement, c'est juste ma deuxième tournée que je fais. Je suis encore assez émergente. Mais dans le sens que oui, j'étais habituée de fermer un chapitre puis d'en ouvrir un autre souvent, dans le sens que j'ai tout le temps été une personne qui aime sortir de sa zone de confort. Après 2 ans que j'ai un emploi, j'essaye de changer d'emploi, je change de ville, tu sais, n'importe quoi, dans le fond, pour me faire grandir puis me faire apprendre des nouvelles choses. Fait que j'ai tout le temps eu ce tempérament-là, mais là, oui, c'est sûr qu'avec la carrière musicale, là, c'est encore plus recruté parce qu'il faut que je parte pour aller faire des shows puis tout ça. Oui, justement, parlant de carrière musicale, puis on va terminer l'entrevue là-dessus. Est-ce que, justement, le fait d'avoir fait plusieurs concours, par exemple, il y a un concours par exemple, qui vous a permis de vous allier avec la Colombie-Britannique et qui vous a permis par la suite de vous retrouver justement au concours international de Granby. Est-ce que justement ça aide à faire un réseau puis à se faire connaître? Oui, ben c'est sûr que sans les concours des galas de la chanson, je serais pas où je suis présentement. D'un, je trouve que ça me pousse à tout le temps viser un petit peu plus haut parce que tu sais, si j'avais pas eu les concours, je serais sûrement en train d'encore enregistrer avec mes micros à maison, puis tu sais, j'aurais pas poussé aussi loin faire un album puis voir le potentiel que j'avais. Dans les concours de la chanson aussi, on a des formations, comme au Festival de la chanson de Granby. On avait une semaine de formation sur l'industrie de la musique, comment faire un dossier de presse, comment faire tes relations de presse. C'est tout l'aspect business un peu d'être auteur-compositeur qu'on a eu beaucoup de coaching. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a aidé à placer des briques puis tu sais, monter le casse-tête ensemble puis que ça se tire un peu plus qu'avant. Puis aussi, ben au niveau artistique, avec le feedback qu'on a, par exemple, du metteur en scène à Granby, j'ai beaucoup travaillé mon interprétation, puis je pense que ça apparaît sur l'album. Il y a une chanson, en fait, il y a deux chansons qui ont été enregistrées avant Granby sur l'album, c'est le Pantin puis le Petit cœur en laine. Et tout le reste a été enregistré après Granby. Puis je le vois, la différence dans l'interprétation. C'était, ben moi, en tout cas, je le sens. Je me dis, ah, tu sais, je pourrais le pousser encore plus, le petit cœur, si j'avais à le réinterpréter. C'est sûr que ça amène aussi une visibilité. J'ai été contactée pour des émissions de télé. J'ai fait prise de son à Radio-Canada. Puis eux, ils m'ont découvert à travers le concours Chante Ouest. Fait que c'est... Oui, c'est vraiment une cascade, c'est une boule de neige que tu pars en haut de la côte puis qui continue à rouler puis à accumuler de la neige puis à un moment donné, ça devient plus en plus gros. Fait que, ouais, ça a été super aidant. J'ai comme l'impression qu'avec l'entrevue, j'ai écouté l'album puis j'ai encore découvert des trucs, même si je l'écoute en boucle depuis le matin, qui fait en sorte que, ah, OK, je l'avais pas vu comme ça. Ah, OK, finalement, la chanson, justement, Monopole, qui est une des chansons anglophones qui a l'air de parler de quelqu'un qui se fait tirer dessus, qui est prêt à se faire tirer dessus. Ah, ben, finalement, ça restait l'autre chose. Fait que c'est... Monopole, c'est plus... c'est sur les gens qui parlent trop, finalement, puis ça parle un peu d'introversion, encore une fois. Puis le saxophone dans cette chanson-là a vraiment le rôle de la personne qui vomit des mots. C'est vraiment quand le saxophoniste est rentré en studio, il a dit « Toi, t'es une personne qui parle trop, improvise-moi quelque chose sur ce thème-là. » Fait que, ouais, c'était vraiment créatif. Ah bon, pourtant, ça avait l'air quand même d'être bien fait, d'être cohérent et tout. Ah ben, fait que j'ai... Ouais, mais c'est un virtuose, ce gars-là. Je sais pas pourquoi il s'est ramassé au Yukon. C'est un gars de Paris qui est saxophoniste incroyable, qui est au Yukon maintenant. Fait que j'étais comme parfait, tu sais, c'est un bon atout. Ah, ben tant mieux. Mais là-dessus, je souhaite une très bonne tournée en Mauricie. Merci beaucoup. Don't you worry, baby. Sophie Villeneuve avec la pièce Monopole et la pièce d'avant qu'on a entendue, ça s'appelait Il fait frette. Mm-hmm. Tu vois, je préfère Monopole à Il fait frette. C'est vrai. Dans le style musical, je trouve que c'est très, très, très, très, très, très différent. Mm-hmm. Ouais. On rappelle que c'est une artiste qui habite au Yukon en ce moment et que tu as reçu un petit peu plus tôt dans nos studios. Oui, exactement. Puis qui est en tournée dans la région. Ce soir, elle va être à La Tuque et demain à Saint-Élie-de-Caxton. Ce soir, on parle de jeudi 8. Et demain, on parle vendredi le 9. Oui. Voilà. Merci, David. Ben, ça fait plaisir. Maintenant, on va transitionner de façon très, très, très subtile, comme on aime le faire une fois de temps en temps quand le temps nous manque, à la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Toujours avec David Ferron, qui est chef de pupitre de ce fameux média étudiant qui est le Zone Campus. Le nouveau numéro de février qui vient tout juste de sortir cette semaine. Qu'est-ce qui se passe sur la une du Zone Campus, David? Sur la une, la grosse une, c'est quatre patriotes. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ramasser de l'argent parce que les patriotes sont très impliqués au niveau communautaire. Ouais. Mm-hmm. En fait, sur le plan communautaire, par exemple, ils participent beaucoup au petit déjeuner. Mm-hmm. Notamment aussi tout ce qui est guignolé aussi, puis plein d'autres activités comme le défi Leucan, l'équipe de hockey des Patriotes, qui a plusieurs athlètes qui y ont participé. Donc c'est un reportage sur l'implication des sportifs. En fait, pourquoi pour eux c'est important de s'impliquer sportivement alors qu'ils sont très occupés, ils ont leur vie académique, ont leur vie sportive. Donc, pourquoi pour eux, c'est important de donner à la communauté? Mm-hmm, absolument. Donc, ça, c'est en une. Il y a plein d'autres choses aussi. Plein de reportages dans ce numéro-là, plein de chroniques. Oui. Il y a le blog aussi. Oui. Lezonecampus.ca. Celui-là est plus à jour encore que la version papier qui sort seulement une fois par mois. Donc, sur le blog, vous couvrez plein de sujets. De quoi est-ce qu'on parle en ce moment? Oui, donc, entre autres, de quoi qu'on parle, eh bien, c'était surtout en arts et spectacles et en sport, mm-hmm. les actualités ces derniers jours. Il y a notamment l'entrevue avec Marc Garnier de Hibou Hibou. Oui, à notre émission. Ben oui, donc un petit clin d'œil à Assemblage requis que le Zone Campus fait parfois. Et c'est gentil. Ça fait plaisir. Il y a également aussi Plein Sud, c'était le 25e, c'était le tapis rouge 25e anniversaire il y a deux semaines. Et c'est justement le rapport de cette soirée-là qui a eu trois invités, dont notamment Jason Bajada, mm-hmm. Bajada, faut dire. Oui, oui, exactement. Donc le J, parce que c'est juste en français pas en anglais qu'on prononce le J, je pense. C'est ça, c'est quoi? Espagnol? Portugais? C'est maltais, fait que je sais pas si c'est italien, parce que il y a des origines maltaises, et Malte, les deux langues officielles, c'est anglais et italien. Mm-hmm, mm-hmm. Faudrait que je vérifie. Nous autres, on peut pas parler de Malte, on est dans le 28 jours sans alcool, fait que... C'est Malte avec un E. Pays qui a déjà été deuxième position en Eurovision. Non, pas d'Eurovision ce matin, une autre fois. Ça me tentait trop. Quoi d'autre? Quoi d'autre aussi, également, le spectacle au Café Bar Zenob que Postwolf et également Gasoline ont donné il y a quelques temps. Mm-hmm. Donc, un groupe du Saguenay et un autre groupe de Trois-Rivières. Ouais. Donc, Postwolf. Et c'est plutôt alternatif. Mm-hmm. Il y a également en sport les Patriotes. On sait que le classement des Patriotes a dû chuter en raison de problèmes techniques, si on peut dire ça comme ça. Oui, l'histoire est un peu complexe, mais une règle qui a été enfreinte. Hein, ouais, on a dû annuler certaines victoires pour les transformer en défaites. Oui, exactement. Ce qui fait en sorte que là, en plus, ils ont eu trois défaites d'affilée. Oui. Ce qui fait en sorte des vraies défaites, là. Oui. Et là, on pense qu'ils feront pas les séries. Mathématiquement, c'est... C'est compliqué. Il faudrait vraiment que les autres équipes soient vraiment mauvaises. Ouais. Et que seulement les Patriots soient bons. Ouais, exactement. Puis il reste juste un match à jouer. Ah, OK. Donc, il faut qu'ils gagnent le match et que les autres équipes soient mauvaises pour que les Patriots soient en série. Improbable. Pourtant, avant la pénalité, ça allait super bien. Ils étaient en deuxième position de leur section. Ouais. Malheureux. Également au soccer, que ça va pas trop bien non plus. Mm-hmm. Donc, au soccer, en fait, chez les filles, en fin de semaine, chez les femmes, l'équipe féminine avait un match contre le Centre national de haute performance, qui est une espèce de club-école de soccer où ce que des... En fait, des élèves de 4e et 5e secondaire jouent. Mm-hmm. Donc, l'équipe féminine a joué contre cette équipe-là et a perdu 3-0. Ah. Et du côté des hommes, c'est un peu mieux parce que ça s'est fini en nul. Mm-hmm. 3-3. Donc, c'est pas mal ça pour le blog. Bon, zonecampus.ca, on retrouve ça tous les jours. Il y a tout le temps de la nouveauté sur ce blog-là. Donc, surveillez ça. C'est sur la page Facebook aussi. Donc, facebook.com/zonecampus, zonecampus.ca. Et le journal qui est sorti plus tôt cette semaine en kiosque un petit peu partout sur le campus du QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. On aura l'occasion de reparler probablement du journal la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oui, plus en profondeur parce qu'il se passe plein de choses juste pour vous aiguiller un petit peu, oui. Pour vous aiguicher. Uh-huh. Donc, il y a beaucoup de reportages, beaucoup de portraits d'athlètes, beaucoup de portraits d'étudiants. Mm-hmm. Donc, on a notamment, justement, un reportage sur la vie d'artistes en région. Est-ce qu'on peut vivre en tant qu'artiste en région? C'est ce que s'est demandé Marc-André Arsenault. Mm-hmm. Puis également la fin de la neutralité du net. Donc, pour vous dire, c'est quoi en gros? C'est qu'en fait, aux États-Unis, c'est que désormais, les distributeurs peuvent payer plus cher si tu vas avoir un accès plus rapide sur Internet. Ouais. Et là, si jamais ça arrivait à l'écouteur, il y aurait des impacts. Mm. Mais je ne sais pas c'est quoi, je dis ça. Allez voir le journal. Exactement, le journal papier qui est disponible en ce moment même. Lisez-le avant la chronique de David pour pouvoir voir venir les sujets à l'avance. Ben oui. Ah oui, c'est vrai, c'est ça qui s'en vient après. Ben oui. Donc, David Ferron, chef de pupitre du journal Zone Campus. Moi, je dis oui, c'est correct. Ben oui. La vie est belle. Tout va bien. bon déjeuner, hein. Salut aux œufs et muesli. Là. Oui, c'est excellent. Très bon déjeuner. Oui. Bravo. Puis là, j'ai le goût d'un burritos. Et voilà. Oh my God! Ça saute de tous les bars. Vous devriez voir le plat qui vient de terminer. Puis là, il dit qu'il y a encore. Enfin. C'est même pas un plat, c'est un chaudron. Ouais, c'est ça. Chaudron de muesli. Ouais, je suis en pleine croissance. Exactement. T'as besoin de ça pour eux. Il est toujours en pleine croissance quand il dit ça, lui. Tellement. David Ferron, on t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, puis moi, j'aime la bouffe. Ah ouais. Eh, merci. T'es rendu trop vieux pour la croissance en passant. Tania est comme un petit peu frustrée, je pense. Mais non, mais c'est vrai, là, ta croissance est terminée, David. Je suis désolée. On est jaloux de te voir. Tu sais, je veux dire, c'est que tu manges, mais t'as la même forme filiforme. Bonjour. Bonjour. Non, mais c'est parce qu'il bouge tout le temps. C'est ça l'affaire. David Ferron. Est-ce qu'on en a... Je pense qu'on a dit merci pour le moment. Ouais, je pense. Au revoir. Ça va pas. OK, bye. Son fil est tellement court qu'il fait juste reculer d'un centimètre puis ça pète. Bref, on prend une pause. Au retour, ça va être au tour de Tania Baudin. Oui. Pour la prochaine demi-heure. Certainement. De quoi tu nous parles? Je vous parle de super aliments. Ah, bon. Eh bien oui, on va démystifier le tout un petit peu. David, un sandwich aux œufs, c'est pas un super aliment. Mais c'est bon pour la morale. C'est ça, ouais. Restez là. déjà à la deuxième heure l'assemblage requis en ce jeudi 8 février 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Avant de passer à Tania, j'ai fait un petit signe en rond à Tania, petit violon dans les airs. Là, elle me demandait, tu voulais pleurer, là? Je sais pas, ça aurait pu être de la trompette, mais ça aurait l'air bizarre. C'était pour te dire, Tania, qu'on s'en va entendre une pièce avant ta chronique. Oui, d'accord. Une nouvelle entrée de Slaughter Beach Dog. Ouh! Mm-hmm. On l'a pas encore entendu, donc première diffusion pour cette pièce. Voici Gold and Green à assemblage requis. Slaughter Beach Dog. Je pense que je préfère celle-là à l'autre. Ouais, moi aussi. Vraiment bonne, ça. Mm-hmm. Maintenant, c'est Tania Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dream. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle série de Marvel sur Netflix, les super aliments. Non? Quasiment, Mathieu, quasiment. Parce qu'en fait, durant les dernières semaines, on a déjà parlé d'aliments hyper transformés, on a parlé de digestion, on a parlé pas mal de nutrition, on a parlé des tendances en 2018. Et exactement. Alors, en faisant certaines recherches, je me suis trouvée à retrouver le mot super aliment dans plusieurs articles. Ça revenait quand même assez souvent. Il y avait comme une petite tendance. Et je me suis posé la question, mais mon Dieu, c'est quoi ça, des super aliments? Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce matin, je vais essayer de démystifier le tout avec vous et vous donner quelques exemples de qu'est-ce que c'est et lequel est le meilleur et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est quoi ça, des super aliments? C'est quoi ça, des super aliments? C'est pas comme David a tout le temps un aliment de super? Non, c'est ça. C'est comme pas... genre une banane dans sa poche? Non, c'est ça, exactement. Ça, c'est autre chose. Si on le prend du côté anglophone, c'est superfood. Ah oui. Et on va le traduire, bien évidemment, en français par un super aliment. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un aliment avec lequel la densité nutritionnelle, donc c'est-à-dire au niveau des vitamines et des minéraux, on va être supérieur aux autres aliments. C'est ça, un super aliment. OK, mais là, meilleur c'est que pas... les autres, mais ça veut pas dire extrêmement meilleur. C'est juste meilleur par comparaison à quelque chose d'autre. Je parle de supériorité au niveau de la vitamine et des minéraux. OK. OK. Donc, un super fruit, un super légume, ça peut se retrouver dans les super aliments. On a connu surtout en France la notion parce qu'il est venu un temps où on a refait le programme national nutrition santé. Et c'est là que ça a commencé à émerger, ce beau petit mot-là, le super aliment. Il y a eu des grandes études nutritionnelles qui ont mis l'accent sur justement l'intérêt des fruits et légumes pour la santé. Et comme vous le savez, depuis quelques temps, on en parle vraiment beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui prennent le côté végétarien ou végétalien de la chose. Alors, les fruits et légumes, c'est compté comme des super aliments la plupart du temps. Et il y a de nombreux super aliments qui viennent quand même de loin. C'est justement leur croissance dans des zones rudes, comme par exemple où il y a beaucoup de soleil, où il va y avoir beaucoup de sécheresse, que ça va permettre de développer le pouvoir qu'ils ont en fabriquant de grandes quantités de nutriments à l'intérieur de ce même produit-là pour se protéger du soleil ou de la sécheresse. Ils n'ont pas été piqués par une araignée. Non, c'est pas Spider-Man, OK? Donc, par exemple, la canneberge ou les baies de goji, oui. La grenade, le maca, bien, ce sont tous des aliments qui se retrouvent dans des endroits qui sont quand même normalement secs et très ensoleillés. C'est pourquoi on les calcule de super aliments, c'est qu'ils ont dû à un certain moment se protéger de cette chaleur-là et de cette sécheresse-là, ce qui a fait qu'à l'intérieur du produit, on a tout simplement un petit peu... merger ou encore, comment je pourrais dire... Développer plus de quelque chose. On a développé plus de nutrition, en fait, plus de vitamines, plus de minéraux, tout ça pour se protéger du grand soleil. Donc, c'est très intéressant de voir à quel point est-ce qu'il y en a vraiment de différentes catégories. Le super aliment, c'est quoi les super aliments? T'sais, c'est, oui, je viens de vous dire, c'est un aliment qui va justement pouvoir se protéger, qui va être capable de se nourrir de beaucoup de choses. Mais du côté de la recherche scientifique, il y a de nombreuses études qui confortent en fait la théorie de l'existence de super aliments. Parce que, bon, il convient quand même de noter qu'il y a des résultats de ces recherches-là qui sont souvent difficilement applicables à des régimes alimentaires qui sont réels. On s'entend qu'il y a des baies de goji, là. C'est nice, vous pouvez aller en chercher aux végétariens. Sauf que tu fais pas ça pousser dans ton salon, là. Tu sais, tu pourras pas. Donc, en effet, il y a des aliments qui sont étudiés au sein des laboratoires et la plupart des études sont menées, en fait, sur des cobayes tels que des rats ou des expériences in vitro sur des lots isolés de cellules humaines pour voir ce que ça va vraiment faire en tant que super aliment. Quand on pense à des super aliments, on pense souvent à des baies ou encore des algues exotiques un petit peu qu'on retrouve pas nécessairement chez nous parce que c'est beaucoup plus difficile. On l'a dit tout à l'heure, ça pousse dans des régions qui normalement vont être secs et très ensoleillées. Donc, on les consomme un petit peu plus sous forme de poudre ou encore de gélules. Surtout ici au Québec, je vous dirais, parce que là, on s'entend, hein, si on regarde à l'extérieur, c'est pas nous qui allons faire pousser des baies de goji. Donc, souvent, si, par exemple, vous allez, vous êtes du type à vous faire des smoothies le matin, il y a de fortes possibilités que vous avez déjà vu passer devant vous une poudre quelconque à la baie de goji. Ouais. C'est justement qu'on a réduit ces baies-là en poudre pour en faire un super aliment que vous allez pouvoir intégrer à votre smoothie. Vous allez pouvoir consommer ces aliments-là un petit peu partout à travers le monde parce que c'est devenu très, très demandé pour le niveau santé des choses. Est-ce qu'on les enlève de l'assiette des locaux, justement, parce qu'on dit qu'il faut un petit peu promouvoir tout ce qui est fruits et légumes locaux. C'est sûr et certain qu'il faut prendre en considération l'endroit où on est. T'sais, si on se retrouve, justement, où on fait pousser des baies de goji, bien, il y a probablement forte possibilité que vous ne mettiez pas, du sirop d'érable dans votre smoothie. T'sais, on s'entend. Ça va selon la région dans laquelle vous êtes. Mais ici, vu qu'on a la possibilité de pouvoir, justement, faire l'importation de ces produits-là, bien, ça fait en sorte que on fait pas nécessairement mal entre guillemets aux produits locaux parce que ce sont des choses qu'on pourrait pas faire pousser ici de toute façon. Okay. C'est sûr et certain que là, si vous avez une empreinte écologique de façon incroyable puis vous voulez vraiment promouvoir le type local au niveau des fruits et légumes, bien, écoutez, changez les baies de goji pour des amandes, là, je sais pas. Tu sais, il y a un impact écologique qui va pas faire une si grande différence avec les baies de goji parce que de toute façon, là-bas, eux autres, ça les fait. fait vivre. Ouais, okay? Et les camions puis tout ça, puis les bateaux vont de toute façon transporter autre chose, c'est pas ça. Hein? Exactement. Il y a des super aliments qui se trouvent peut-être même dans votre jardin ici. On parlait tout à l'heure des super fruits, des super légumes, les carottes, tout ça, tout ce qui peut se faire pousser dans un jardin. Bien souvent, ça va être calculé comme un super aliment parce que ça va se passer dans une période où il va faire chaud, où il va faire sec la plupart du temps, et pour pouvoir justement combattre le soleil, même si c'est ici au Québec, on le sait, il n'est pas tout en fort, là, mais ça va quand même pouvoir arriver que vous vous retrouviez des aliments qui vont être beaucoup plus nutritifs que si, par exemple, vous achetiez des bibis carottes à l'épicerie. T'sais, c'est comme ça. Les super aliments, bien, comment est-ce qu'on peut les consommer? On l'a dit tout à l'heure, on peut retrouver des baies, on peut retrouver des algues, des fruits et légumes. Il y a beaucoup de gens qui retrouvent leurs super aliments dans les graines, dans les noix. Donc, les super aliments, c'est très varié. La liste est très, très longue. Et ils sont pas des aliments magiques, là. Il faut pas penser que c'est magique, cette affaire-là. C'est pas magique du tout. C'est juste que peut-être qu'on n'avait pas nécessairement la connotation de l'intégrer à notre alimentation de façon saine et de façon hebdomadaire ou tout simplement régulière. Donc, à ce niveau-là, les super aliments, ça va apporter à l'organisme un taux de protéines qui va être très élevé. Ça va amener, bien évidemment, des vitamines, des minéraux ou encore oligo-éléments, ce qui est très, très riche en antioxydants. Et la plupart du temps, pour avoir une bonne santé, c'est ces affaires-là qu'on recherche. Oui, on le vend tout le temps sur les emballages antioxydants. Exactement. Et la chose pour laquelle c'est si plaisant aux yeux des gens qui, par exemple, ont déjà fait un petit peu le tournant vers le véganisme ou encore le végétalisme, eh bien, c'est que c'est 100% naturel. Donc, c'est réputé depuis des milliers d'années pour les vertus alimentaires, même médicinal à certains moments. Et le terme super aliment, bien, tout à l'heure, on a parlé de où ça provenait du côté de la France, mais du côté des États-Unis aussi, on a commencé à réaliser que les super aliments étaient là quand les gens ont commencé à se poser la question un petit peu plus sur ce qui mangeaient, ce qu'ils mettaient à l'intérieur de leurs assiettes sur une plage hebdomadaire. Alors, on s'est permis de réunir tous les aliments qui étaient bons pour la santé. Et en France, bien, il y a des produits dont les effets sont positifs sur la santé qui ont été prouvés, en fait, qui portent maintenant le nom de super aliments, mais que, par exemple, on ne retrouvera pas ici. Tu sais, ça dépend vraiment de la région dans laquelle vous êtes. Ça dépend un petit peu aussi de votre importation, exportation, tout ça. Et les super aliments, bien, comme je le disais, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est juste que c'est très, très nutritif. Ça aide. Ça aide. Les super aliments, c'est des alliés, en fait, pour votre corps de façon quotidienne parce qu'on va participer au bon fonctionnement de votre organisme. Alors, à ce niveau-là, comment est-ce qu'on les consomme? Bien, les super aliments peuvent être consommés de façon crue, dans leur état d'origine, pour bénéficier de toutes leurs vertus. C'est également conseillé aussi d'en consommer plusieurs, et non pas un seul. Là, si tu manges une baie de goji, ça ne changera pas grand-chose. Mais aucun aliment permet d'obtenir à lui seul tous les nutriments dont notre corps a besoin. Donc, c'est sûr que si tu te prends une poignée de baie de goji, puis là, tu la mets dans ton smoothie, forte chance que ça fasse plus effet que si tu en mets juste une. T'sais. Est-ce qu'il y a des congelés de ça? Est-ce que tu as déjà vu des baies de goji congelées? J'ai jamais vu des baies de goji congelé. J'ai vu des sacs de baies de goji, j'ai vu des sacs de poudre de baies de goji aussi. Et si vous êtes du type à aller vous chercher, par exemple, pour ajouter justement à vos smoothies une poudre protéinée ou ce type de choses-là, bien souvent, regardez les ingrédients qu'il va y avoir dedans à l'intérieur. Il va souvent en avoir. Et c'est là aussi que vous allez voir si c'est vraiment naturel comme produit ou s'il y a beaucoup de choses qui est ajoutées, comme par exemple des acides ou peu importe. À ce niveau-là, c'est le fun de pouvoir regarder sur l'étiquette qu'est-ce qui va se retrouver à l'intérieur votre poudre. C'est bon, regardez, parce que j'ai suivi ton conseil. Je suis allé me procurer de la vitamine D. Oui. Il ne faut pas oublier que quand tu prends des multivitamines, comme moi avec mes petites gummies... Oui, il y a du sucre. Il y a aussi du sucre. Effectivement, je sais, mais bon. Mais il y a de la vitamine D dedans. Oui. Donc, si tu achètes de la vitamine D à part... Faut que tu fasses attention, faut que tu regardes si c'est trop pour toi. Exactement. Même chose pour les baies de goji, si t'en as pas depuis que t'en prends dans tes mains, j'imagine que c'est peut-être moins grave d'en prendre. On s'entend que c'est comme pour n'importe quoi dans la vie, une modération a bien meilleur goût. Hein? Donc, à ce niveau-là, si tu décides de, te lancer dans les super aliments, calme-toi à un moment donné, tu vas virer rouge de baies de goji. Y a des documentaires là-dessus sur des personnes qui mangeaient genre énormément trop de carottes et sa peau devenait littéralement orange. Orange, tu sais, il faut faire attention, mettez du fake tan à la place. Ah! Donc, il y a des super aliments qui ne suffisent pas à eux-mêmes. C'est recommandé, en fait, de les consommer dans un cadre alimentaire qui va être équilibré. Et c'est ça qu'on cherche souvent avec un changement d'alimentation. Quand on commence à prendre conscience, justement, de ce qu'on met dans notre assiette, eh bien, on cherche à aller chercher cet équilibre-là. Et souvent, on va aller chercher nos protéines ailleurs que tout simplement dans la viande. S'il y en a certains qui décident de réduire, justement, leur rapport en viande rouge ou viande blanche, eh bien, on va aller chercher cette protéine-là dans des super aliments de type algues, de type noix, de type fruits et légumes. Alors, les excès de super aliments, c'est vraiment très déconseillé, OK? On se calme. Comme je le disais tantôt, un excès de bête goji, par exemple, ça peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil digestif. Il faut faire attention. J'avais pas tort de dire que ça pouvait aller trop loin. Mais non, c'est ça exactement. Il faut consommer avec modération. Et il y en a vraiment là, beaucoup, beaucoup. Là, on parle de bête goji tout à l'heure parce que c'est très riche en vitamines, très riche en minéraux. Ça a des priorités antioxydants qui sont inégalables par certains autres fruits. Mais il faut quand même faire attention. C'est pas le seul super aliment. Il y en a vraiment beaucoup. La liste est très, très longue. Les fameux bols d'açaï. Ouais, açaï. Oui, açaï. On est supposé dire açaï. Açaï, ouais. Eh bien, c'est une baie, en fait, d'Amérique du Sud qui se retrouve parmi les super aliments. On a une notoriété quand même très grandissante. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui aime ça, aller se chercher de l'açaï pour se faire des petits bols. Donc, on a des priorités, encore une fois, d'antioxydants et c'est très, très riche en vitamines et minéraux. Donc, l'açaï, ça peut se consommer en jus, mais on va le trouver plus souvent en poudre qu'on va pouvoir utiliser en cuisine au quotidien. Ça va se marier très bien avec des céréales, des granola au petit déjeuner, c'est souvent là qu'on va le voir. On va pouvoir saupoudrer aussi sur des fruits qui vont avoir été découpés, par exemple. On va leur apporter une note qui va être gourmande et qui s'intègre quand même assez parfaitement avec les smoothies ou encore les jus que vous voulez faire. Mais c'est conseillé, en fait, d'en diluer 2 cuillères à café par jour. Okay. On va pas plus que ça, tu sais, on s'entend. C'est modéré. C'est la même chose avec les graines de chia, par exemple. C'est excellent pour les protéines et les fibres. C'est une plante de la famille de la menthe, en fait. OK. C'est originaire de la vallée centrale du Mexique et ça donne des petites graines qui sont rondes, de couleur brune, plus ou moins foncées. On se rappelle, c'est Alexandre Laramise Wiki qui nous avait fait manger au potluck spécial, oui, un petit pudding de graines de chia. Eh bien, il y a des priorités nutritionnelles qui sont vraiment très multiples dans les graines de chia. Ça renferme en fait 30 % de protéines et 30 % de fibres et ça ne contient pas de gluten. Donc, la consommation de graines de chia biologiques, on s'entend, est vraiment très intéressante pour l'apport, justement, en fibres pour les végétariens et pour les richesses en protéines et en acides aminés. C'est quand même très, très neutre, là, comme goût, vous allez voir. C'est pas une amande, là. Ouais. C'est quand même agréable, mais il n'y a pas un goût exceptionnel qui vient avec ça. Donc, vous pouvez consommer, en fait, les graines de chia de façon très, très simple. Vous allez pouvoir saupoudrer vos salades ou toutes sortes d'aliments, que ce soit salé ou sucré, et vous allez pouvoir les incorporer aussi dans un smoothie, dans un gâteau. Il y en a plusieurs qui mettent du chia dans des gâteaux. Oh. Donc, ça donne un petit côté protéiné à votre gâteau. On s'est posé la question aussi, quel est le meilleur super aliment entre le thé vert matcha dont on entend tout le temps parler, le curcuma et le cacao? Parce que ce sont tous les trois sont des super aliments. Et on s'est posé la question du côté du blog Nutrition Santé. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce sont des aliments qui sont 100% naturels, qui ont des taux élevés d'antioxydants, de protéines, de minéraux. Et la liste est vraiment très longue. Donc, on revient. Il y en a qui nous reviennent quand même souvent en tête. Le thé vert, le cacao, le curcuma, la grenade, le bleuet, le quinoa, les flocons d'avoine. Ça, vous comprenez, là, le brocoli, le kale, les fruits à coque. Donc, parmi les plus populaires ces dernières années, bien le curcuma, le thé vert matcha et le cacao, c'est devenu des piliers du marketing, du bio et du bien-être. Même si ces trois super aliments sont vraiment intéressants et parfois complémentaires, on s'entend, il y a un nutritionniste qui est Georgios Dinkristos de Londres, en Grande-Bretagne, qui a étudié les avantages et la teneur en éléments nutritifs pour chacun de ces super aliments-là. Le super aliment numéro 1, le thé vert, matcha, curcuma et cacao, bien, selon le nutritionniste, en fait, chacun des ingrédients alimentaires a une molécule clé qui fait que ça va se différencier d'un un autre. C'est pour ça qu'on est responsable, en fait, de la grande majorité de leurs avantages pour la santé. Le curcuma va contenir de la curcumine. Le thé vert matcha possède une molécule qui est appelée du EGCG. Et le cacao contient des flavanols. Ces trois super aliments qui contiennent des concentrations différentes les uns par rapport aux autres, ce qui fait en sorte que les trois sont présentement, comme je le disais tout à l'heure, les kings des super aliments, de façon pas mal marketing, mais de façon aussi naturelle. Si on veut vraiment aller chercher un bon apport en tout ça, on va aller chercher souvent du cacao, on va aller chercher souvent du matcha ou du curcuma. Donc, pour le nutritionniste, il y a une évidence qui dit que si on devait choisir un des fameux actifs, ce serait probablement le thé vert matcha. Parce qu'une tasse, c'est extrêmement facile à préparer, ça coûte à peu près rien et ça fournit une molécule active à 7%. Donc, c'est contraste un petit peu avec le curcuma, parce que le curcuma, c'est quand même assez difficile à préparer. Ça contient juste 2% de curcumine et le prix du cacao ordinaire, mais encore une fois, c'est très élevé. On a généralement besoin de lait et de sucre pour que ce soit savoureux et ça contient juste 0,5% d'ingrédients actifs qui est le flavanol. Donc à ce moment-là, on s'est rendu compte que probablement que le thé vert matcha serait le super aliment des super aliments pour le moment. Il y a trois actifs présents dans le thé vert matcha, le curcuma et le cacao qui ont des avantages qui sont tout à fait similaires en fait pour la santé. Avec la curcumine, c'est plus connu comme un anti-inflammatoire. Du côté de l'EGCG qui est dans le cacao, et c'est bien connu comme un antioxydant complet. Et les flavanols vont renommer, en fait, pour avoir avantage sur la santé cardiovasculaire et la mémoire. Donc oui, c'est sûr et certain que si vous consommez ces trois super aliments-là, c'est bien. C'est très bien, vous allez probablement mieux vous sentir. Mais le meilleur qui a été déterminé jusqu'à présent, eh bien, c'est le thé vert matcha. Parce qu'en fait, si vous cherchez un super ingrédient pour vous aider à améliorer votre bien-être ou bien encore remplir votre corps d'antioxydants cette année, c'est vraiment le choix le plus simple et le plus efficace. Pour la santé, c'est prouvé en fait scientifiquement, selon plusieurs études, que c'est important de prendre en compte la quantité et la qualité du matcha dans sa préparation. On s'entend que si on prépare un thé matcha, là, on se calme, on ne met pas à boîte de matcha au grand complet. Il y a des différences qui existent aussi sur le plan de l'assimilation selon comment vous êtes fait. Peut-être est-ce que vous allez avoir un petit peu de difficulté au début avec votre intestin. Ça dépend. C'est sûr que si vous décidez de faire un changement qui est très, très drastique au niveau de votre alimentation, il va y avoir des changements qui vont se faire sentir. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de mourir. Ça ne veut s'adapter. Pas dire que vous êtes allergique. Ouais. Exactement. Donc, ça peut être différent pour tout le monde face à ce qu'on mange. Ou encore, en fonction de notre état de santé, de notre hygiène de vie, le matcha va libérer le potentiel dans le cadre d'une alimentation qui va être équilibrée et d'une activité physique qui va être régulière. Si vous consommez du thé matcha vert et que vous ne faites pas d'exercice physique ou vous n'avez pas vraiment d'activité physique quelconque, oui, OK, peut-être que vous allez apprécier mieux le thé vert matcha qu'au café, mais de façon bien-être, ça ne changera pas grand-chose dans votre vie. Donc, c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut vraiment l'additionner en complément d'un mode de vie qui va être sain. Et la beauté du matcha, bien, ça réside dans la nature à pouvoir libérer la caféine de façon prolongée. C'est un petit peu le contraire du café. En fait, on disait que le café, ça se fait de façon quasiment instantanée. Tu frappes un mur après. Après, tu frappes un mur. Le thé vert matcha, c'est comme si le café se laissait aller de façon prolongée sur une longue durée. Donc, la caféine est présente dans le matcha. Ça va se lier aux molécules végétales qui sont beaucoup plus grandes et ça va augmenter le temps nécessaire à la décomposition de la caféine dans le sang. Donc, ça va vous prendre plus de temps avant d'être fatigué. Ça va créer une énergie qui va être prolongée, qui va être diffuse partout dans votre corps et par rapport au coût associé au café, bien il y a de fortes chances que ce soit moins cher. Ah, c'est magnifique ça. Ben oui. Tout le monde gagne. Tout le monde est gagnant avec ça. Génial. Merci Tania. Ça fait plaisir. Les super aliments. Génial. Alors on fait Tania, it's gonna do Tania tous les matins à Assemblage Requis. On va écouter une pièce que je dédierais à un pas super aliment, mais un aliment que je trouve délicieux, c'est le sandwich Reuben. Tu connais? Ouais. Donc c'est le groupe The Reubens avec Cut Me Loose. Assemblage Requis. Et restez là tantôt, on parle de l'École internationale de français avec Alassania Kui. Yeah. avec la garçonne. C'est sûr qu'elle dit de même, hein? Je suis pas capable de dire le nom de ce Ben-là de façon autre que, celle, que comme ça. Je pense qu'ils l'ont choisi pour nous rendre mal à l'aise. C'est clairement malaisant. Alors que c'est un terme médical. Ben oui, tout à fait. Mais modifié. C'est ça. Bref, toujours à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. On a le bonheur de recevoir maintenant Alassania Kouyi. Salut. Bonjour. Notre ancienne chroniqueuse, on va se le dire, qui nous manque à oh, chaque vous jour. Vous manquez aussi énormément. Tu reviens quand tu veux. Je vais revenir. Ah, j'aimerais ça, ça serait fort. Mais t'es pas là pour faire une chronique de science et de trucs comme ça. Non, on est là pour parler de langue, en fait, avec l'École internationale de français qui est en plein recrutement en Exactement. Ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à recruter dans ce... Dans ce moment? D'abord, on recrute pour la saison d'été. Okay. Ça veut dire les sessions printemps-été 2018 qui commencent à peu près la première, deuxième semaine de mai puis qui se terminent la première semaine d'août. Et on recrute des animateurs et des techniciens. OK. Qu'est-ce que ça fait un animateur versus un technicien? Oui, c'est ça, je m'aurais dit, moi aussi. Bon. Un animateur, c'est quelqu'un qui accompagne les étudiants quotidiennement dans les activités qui se déroulent soit à l'université ou les activités qui se déroulent à l'extérieur de l'université. Okay. Vous savez, les étudiants qui viennent pour le programme Explore, mm-hmm. ils ont des volets de cours chaque matin, ils ont des ateliers l'après-midi, puis ils ont aussi des activités pour soit consolider le vocabulaire mm-hmm. ou s'amuser un peu. Soirée casino, des trucs comme Exactement. Ça. Exactement. Donc, les animateurs, pour les soirées qui se déroulent à l'université, ils vont monter les soirées. Par exemple, ils savent que le thème, c'est soirée casino, fait qu'ils vont choisir le décor, ils vont choisir les jeux et animer la soirée. Oui. Parce que c'est important, tu peux pas juste laisser les gens lousses comme ça dans des blouses. Puis aussi, il faut être présent, il faut encadrer pour être sûr que tout se passe bien. S'il y a une urgence, les animateurs ils vont être formés pour savoir quels sont les numéros à appeler d'urgence, où aller. Fait que il faut que quelqu'un soit là juste pour encadrer, pour être sûr que tout se passe, que tout se déroule bien, que tout soit sécuritaire et que tout soit politiquement correct, etc. etc. Ouais, ben, il y a eu des controverses par le passé. On espère que ça va, que ça aura pas lieu encore cette année par rapport à ça. Et sinon, technicien, c'est le mot, on dirait qu'animateur, je connaissais un petit peu le principe, mais technicien, qu'est-ce que ça fait? Et technicien, c'est quelqu'un qui donne des ateliers. Okay. Comme j'avais dit, le matin, c'est des cours, puis l'après-midi, c'est des ateliers pour consolider le vocabulaire et pour avoir aussi des activités d'apprentissage, mais un peu plus ludiques. Sans le stress des cours. Ouais, on a des ateliers de conversation où les étudiants sont invités à converser, à dialoguer en français pour permettre une meilleure fluidité de la langue. Ouais. Et on a des ateliers socioculturels, soit théâtre, création, musique, sport, etc. Dans le fond, il faut avoir une activité qui permet de s'amuser et aussi d'apprendre un vocabulaire particulier. Mmh. Je donne un exemple. Si je dis que si on a aujourd'hui un atelier cuisine, on peut faire, mettons, par le passé, on a fait un mug cake. OK. Et les gâteaux dans une tasse. Oui, les gâteaux dans une tasse, dans un micro-ondes. Et ça permet de voir le vocabulaire lié à la cuisine. Ah, ils n'ont pas le droit de dire qu'elle allait faire de la poutine. Non, ils n'ont pas le droit de... Ben, on peut faire une poutine pour voir aussi le vocabulaire lié à la cuisine. Il faut découvrir ça. Donc, les techniciens, ils doivent monter leurs ateliers. C'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'ils font comme atelier. Bien sûr, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils ont une formation par la conseillère pédagogique. Et ils sont aussi suivis de manière hebdomadaire par la conseillère pédagogique. Est-ce que les activités changent chaque année? On change pas une équipe qui gagne. En fait, on fait toujours des évaluations d'activités, puis on garde les activités qui sont les plus appréciées et par les techniciens et par les techniciens animateurs et les étudiants. Mais on essaye de diversifier le plus possible les activités. Mettons, on va pas avoir 5 ateliers qui sont axés sur l'art. Non, la même année, non, oui, c'est ça. Non, c'est ça. Il faut, on essaye de diversifier le plus possible les activités et les ateliers. Ouais, les étudiants peuvent choisir chacune de leurs activités ou ils font toutes les activités? Pour les activités, ils les font toutes, mais pour les ateliers, ils choisissent entre 5 ou 6 ateliers. OK, ah, c'est cool. Donc, quelqu'un veut s'inscrire pour devenir animateur ou technicien. Comment est-ce qu'on commence ça? Parce que, bon, tu l'as dit, il y a une formation, mais il faut commencer quelque part. Envoyer quoi son CV? Oui, envoyer son CV et une lettre de présentation à eif.embauche@commercialuqtr.ca. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Il faut être étudiant, à la base. Oui, il faut être étudiant. Oui, OK, c'est ça. Il faut être étudiant à temps plein à l'hiver 2018 et l'automne 2018 ou être finissant à l'hiver 2018. Fait que même ceux qui graduent, fait qu'ils peuvent travailler la session d'été. Ah, c'est bon, ça. OK, mais seulement l'été, après ça, c'est terminé. Oui, seulement l'été, après ça. c'est terminé. Okay. Et ça, tu peux faire ça plusieurs années de suite pendant ton parcours universitaire? Est-ce que oui, tu pourrais exactement. Faire ça chaque année? Oui, on peut faire ça chaque année parce que on demande toujours aux anciens si ça les intéresse de revenir, mm-hmm. puis dépendamment du dossier, dépendamment de comment ça a été. Fait que si on veut revenir, on a toujours la possibilité de revenir. Mm-hmm. Et c'est rémunéré comme poste? Oui, exactement. C'est selon la convention collective. Okay. Et est-ce que tu as un petit budget pour acheter des effets pour tes cours ou est-ce que tu dois pas mal monter ça comme... Non, il y a un budget pour, okay. Pour les cours et pour les ateliers et pour les activités. Intéressant. Donc, tu as dit, c'est eif.embauche@uqta.ca. Oui. Déjà, le message, il est sur le portail étudiant. Mm-hmm. Fait que si on veut être sûr d'avoir la bonne adresse courriel, juste à aller voir le portail étudiant. Sinon, sur les babillards dans les corridors. Mm-hmm. Et toi, tu fais quoi pour l'école de français, l'école internationale de français? Je suis conseillère aux activités étudiantes. OK. Pour dire autrement, ça fait quoi? Je prépare la session d'été. Donc, tout ce qui est recrutement, préparation des activités, je monte là. Agenda, réservation des locaux, etc. Tout ce qui est préparation pour super. L'été. Super. Donc, ces gens-là risquent de te croiser cet été. Oui, tout le temps. Sonia Kouyi, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Et on te souhaite, bien sûr, un été enlevant. Rempli. De français. C'est ça, oui, de petite musique québécoise. Là. Ils ont une petite soirée. Oui, on a une soirée, soirée québécoise. Oui. Pour découvrir qu'est-ce que c'est, Fred Pellerin. Ben, c'est correct, ça. C'est fun. Ça, puis de la poutine. Ça match parfait. Ben oui. Ben, on parle d'immersion. Ben, immersion oui, culturelle et linguistique. Faut le vivre. Exactement. On va aller faire le tour des cafés Morgane. Il y en a un à chaque coin de rue. Exactement. Encore une fois, merci à la Sonia. Merci à vous. Alors, on écoute une autre pièce du palmarès. Avant de passer à nos prochains invités qui s'en viennent, on va parler d'art avec des gens qui ont une présentation, une exposition à la Galerie R3 qui commence. Et puis, il y a le vernissage aujourd'hui. Donc, on va leur parler de ça dans quelques instants. Mais avant ça, Tania, on écoute Galaxy avec Phénoménal, Assemblage requis. Restez là. We'll be right back. Galaxy avec la pièce phénoménale à Assemblage Requis. Parlant de phénoménal, on a une émission vraiment phénoménale aujourd'hui. Oui, quand même, assez très remplie, mettons. Les invités s'enchaînent, là, ça se bat aux portes. Là, on a engagé un bouncer juste ouais, pour ça aujourd'hui. Exactement. Un événement spécial. L'agent de sécurité juste devant la porte c'est du ça. Studio. Donc, on a des invités spéciaux en studio, Talia. Oui, certainement, parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Il y a quand même quelque chose qui se passe du côté de la galerie R3 pendant un bon bout de temps. Alors, en studio avec nous, on a Samuel ainsi que Cynthia. Je l'ai bien dit. Cynthia. Deux artistes, en fait, qui vont être justement exposés tout au long de l'exposition du côté de la galerie R3. Bon matin. Bonjour. Bonjour. Vous allez vous exposer vous-même, là, ça ouais, a l'air un c'est peu ça, lousse, non, ça. On parle de votre art, bien okay. évidemment. Le vernissage se passe ce soir et l'exposition s'appelle Cinétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mm-hmm. Vas-y, Samuel. Il y a une complicité évidente. Oui, ouais, clairement. Allez, vas-y. Ben déjà, le projet Cinétique, c'est un projet d'exposition en art numérique mm-hmm. qui serait présenté pour la première fois. Okay. Donc, ici, à Trois-Rivières, c'est une primeur. Et puis, elle rassemble les œuvres de Cynthia, c'est Nelly Ève Rajotte, et puis moi-même, Samuel Saint-Aubin, Samuel Saint-Aubin et Pavitra Wickermansch. Oh, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Je la connais. Non. Je la connais. Je sais pas. Est-ce que vous avez chacun une spécialité? Est-ce que ça va être varié comme exposition? Qu'est-ce que vous allez présenter chacun de votre côté? Ou est-ce que c'est des expositions, une exposition commune? Oui, ben disons qu'il y a le thème là, de cinétique. Mm-hmm. Puis chacun, on lui apporte une œuvre. Disons qu'à première vue, on se dira que les œuvres sont. Certaines ne seront pas cinétiques, mais si on revient un peu avant, dans l'historique des arts, on pourrait aussi apparenter le moiré, l'effet moiré, par okay. exemple, comme mm-hmm. effet cinétique. Explique-nous un petit peu c'est quoi l'effet moiré. Ah, moi, c'est difficile à l'oral, je sais. Difficile. Ben, je pourrais t'en parler techniquement. Mm-hmm. C'est plein de petits trous dans lesquels on voit d'autres petits trous. Okay. Donc, quand la perspective est lorsqu'on se place oui. est différente. Différente, ça fait des effets. Donc, c'est vraiment le fun. De... C'est impressionnant, ça. Mm. Oui. Mais dans le cas de cinétique, il va y avoir l'œuvre de Cynthia, qui est une œuvre d'illusion optique qui pourrait un peu s'apparenter au moiré. C'est ça. Mais en fait, c'est cinétique dans le sens où ça peut être des œuvres qui peuvent bouger ou genre des parties de l'œuvre qui peuvent bouger, donc c'est entendu cinétique. Ouais. Mm-hmm. Ou genre cinétique, c'est par rapport à les points de vue du spectateur, c'est le spectateur même qui bouge l'œuvre. Ça veut dire, dans mon cas, moi je présente une œuvre que, comme Samuel l'a dit, joue beaucoup dans l'effet optique. Mm-hmm. Donc selon la position du spectateur, on aperçoit l'œuvre différemment. Ouais. Et tout ça, c'est fait avec un jeu de réflexion. Donc, c'est, des sens... lumières non, réflexion. Non? En fait, c'est une projection frontale okay. sur laquelle il y a un support réfléchissant sur les deux côtés. Mm-hmm. Et en fait, la projection qui est sur les murs, il réfléchit sur sa surface. Et en fait, La surface complète la deuxième partie de la projection. C'est très difficile à oui, exprimer. Oui, c'est sûr, mais ça a l'air. Mais je vous invite à le découvrir ce soir, c'est pour ça. C'est à la galerie d'art R3 qui est juste exact. À côté. C'est une espèce de cube blanc à l'intérieur. Ouais. Donc, la salle est vraiment grande. Est-ce que vous profitez de chaque raccoin de la salle? Comment est-ce qu'on va vivre ça une fois entré là-bas? Ben, déjà, c'est un honneur pour nous de présenter nos œuvres dans cette salle-là. Mmh. Elle est très, très belle, très, ouais. très récente. Mmh. Mmh. Et puis oui, c'est un grand cube, mais on a été capable de bien segmenter avec des smiles. Et puis il y a une belle scénographie. On remercie Florence. Florence, ah oui, qui nous écoute. Nous avons... bon matin, Florence. Bon matin. Et puis il y aura aussi trois autres œuvres, mm-hmm. dont une immense vidéo de Nelly Ève Rajotte, une magnifique vidéo qui a été tournée à l'aide d'un drone et ah, puis, okay. qui s'intitule Blanc. Pour les paysages enneigés. Ah, c'est donc c'est magnifique, on se sent à l'intérieur puisqu'elle est vraiment grande. Ouais. Et puis, je pourrais rajouter l'œuvre de Pavitra, c'est un avion de papier finement coupé au laser. Okay. Donc, oh, okay. Il tourne et puis il y a des effets d'ombrage sur le mur, magnifique. Et puis, pour terminer, mon œuvre. Ouais. Il s'agit de... Tu gardes pour la fin, t'es ouais, ça. C'est ça. Ouais, c'est... Ouais. C'est comme les Skittles rouges. C'est comme les Skittles. Bon, on va te renommer Skittles. Ou les Smarties, ben, je sais pas. Bien gentil. Ça fait plaisir. Donc, cordes croisées, c'est un jeu de cordes et de moteurs et d'inertie. OK. Je vais pas trop vous en parler. Je vous inviterai à venir nous voir ce soir au vernissage. Tu dirais que c'est donc le plus impressionnant des quatre. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. C'est sûr. Bon, non. j'ai eu passé. Non. Et puis, on ne doit pas passer à côté de Paire de Signal. Donc, ouais, c'est oui, ça. Justement, c'est un regroupement, un collectif montréalais, si je comprends vous bien. Vous venez pas d'ici, là. C'est... Non, c'est ça. C'est ben, ça. Ben, je peux vous en parler. Ouais. Ben, oui, c'est Paire de Signal, c'est un centre d'artistes qui a vu le jour en 1997, qui est situé à Montréal, dans le Gaspé. Le pôle de Gaspé, c'est un pôle qui est rendu populaire pour ses galeries puis pour les ateliers d'artistes. Okay. Donc, ça bouge de ce côté-là. Son mandat est de promouvoir la recherche, la création et le rayonnement des arts numériques et l'innovation artistique liée à la technologie. Donc, en théorie, vous connaissez déjà par ce regroupement-là. Oui. Vous êtes quatre artistes qui avaient déjà travaillé ensemble? Non. C'est une première. C'est ça. Oui, ben elle est tout jeune, Cynthia. Moi, je suis jeune. Cynthia. Tu vas y arriver un jour, je pense. Je suis sûre. Commençons par prononcer le nom correctement. Après ça, la relation va être... Ça va être difficile pour tout le monde. Ça va. Oui, oui, ça fait depuis octobre 2017. Je suis devenue membre invité. J'ai débuté avec une expo à Paire de Signal, donc c'est le pôle Gaspé. Et Samia, ça fait plus de 10 ans, je suis sûre. 10 ans, ouais. Même plus. En tout, on va être 25 artistes, ça va être membre. Et en fait, c'est ça, en fait, on sait qui est qui, mais c'est difficile de se croiser à part quand on se fait des réunions ou des parties comme ça. Ben oui, c'est ça. Parce que l'art, ça reste quelque chose de, j'imagine, personnel quand même, un petit peu. Ouais. J'imagine que vous créez votre propre chose sans avoir à avoir l'opinion des autres parce que c'est votre œuvre. J'imagine que c'est un petit peu plus individuel. Mais c'est aussi centré à le fait de, comme dans ces cas de ces expos aussi, le fait de collaborer. Ouais. Je trouve ça c'est très important, le fait aussi de connaître d'autres artistes, parce qu'on n'a jamais vraiment l'opportunité de le faire. Mm-hmm. Et donc je trouve ça assez enrichissant. J'espère que aussi l'expo puisse continuer ailleurs et peut-être rajouter aussi d'autres artistes du pub. Ouais. Qu'après. Non, c'est une belle opportunité. Et puis, il faut dire que là, c'est le 20e année aussi des Paire de Signal. On a pu fêter ça en partie Noël. Mm-hmm. Oh, c'est plaisant, ça. Et de côté individuel, votre background du côté des arts, ça ressemble à quoi? Moi, je viens de côté théâtre. J'étudiais en école d'architecture à Florence, en Italie. Donc, c'était un cours centré sur la scénographie costume théâtrale. Okay. Puis, j'ai commencé, une fois pris mon diplôme, j'ai déménagé à Paris où j'ai travaillé une boîte qui s'appelle 1024 Architecture. C'était centré sur les installations visuelles et performances artistiques, ainsi que des projections architecturales. À grande échelle. Et donc j'ai travaillé avec eux pendant 3 ans, puis j'ai créé mon collectif à Paris avec d'autres gens. Et après, j'ai commencé à travailler en freelance et puis j'en avais marre de Paris, du coup, je déménage au Québec. Okay. C'est ça. C'est pas la première fois que j'entends ça. Mais non, hein. Ah ouais, hein, tout à fait. Paris. Parti de Paris, t'es allé à Québec. C'est ça. C'est ça. Et Samuel? Moi, c'est un peu différent. Disons que je suis un décrocheur. Et puis, suite à l'école, j'ai travaillé auprès des artistes, donc ça fait depuis 10 ans environ. Okay. Puis environ depuis 3 ans, 4 ans, je travaille sur mes propres projets. En art, surtout cinétique, qui bouge. Et je suis spécialisé en concepteur de circuits électroniques. Oh! Oh! Ouais. Quand on doit passer de décrochage à accrochage de... Dans le fond, ça marche très bien. C'est incroyable. C'est ça. Le vernissage, c'est ce soir, à 8 février à 17h à la Galerie d'art R3. On se présente là, c'est pour tous? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus est-ce qu'on arrive là puis on... Probablement qu'on prend une petite bouchée puis un petit verre. C'est ça, quelque chose, ouais. Exactement. Sinon, l'exposition elle-même, c'est jusqu'au 4 mars. Oui. Donc, on a quand même le temps de pouvoir y aller. Mais si vous voulez rencontrer les artistes, c'est vraiment ce soir que ça se passe. Mm-hmm. Oui, puis j'aimerais rajouter un remerciement à Lorraine Beaulieu. Ben oui, certainement. Directrice. On la salue. Oui, qui doit probablement nous écouter aussi ce matin. On la voit souvent, là. Ah ouais. On dîne ensemble. Oui, c'est ça. Donc, du 8 février aujourd'hui jusqu'au 2 mars 2018, Cinétique, produit par Paire de Signal. Donc, on remercie Samuel Saint-Aubert. Hein? Saint-Aubin, oui. C'est ça, Saint-Aubin. Et Cynthia Campolese. Parfait. Wow. Il manquait le petit accent tantôt, oui. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Bonne exposition, bon vernissage ce soir. Oui. Merci. Toujours à l'Assemblage Rocky. Dans quelques instants, on va parler du concours musicalité avec une invitée spéciale. Vous allez voir, ça va être pas mal le fun. Oui, on va changer de côté. On va y aller un petit peu plus chanson, peut-être. Très, très différent. Oh, que oui. Mais avant ça, écoutons une pièce. Puis, ouais, est-ce que ça nous amène à la musicalité, Mathieu? Ben, bientôt, je probablement. Je pose la question comme ça, parce que... Non, non, ça l'est. Ouais, on va dans le même sens, tu vois, qu'on ouais. on connaît. On connecte? On connaît nos noms. C'est ça. Puis on se connaît.

changer nos cœurs, ils reposeront à l'infini. Prenez tout ce qu'il y a, je suis, et ensemble on pourrait vivre. Manger nos cœurs de la bronze featuring hologramme à Assemblage Requis. Ah, c'est bon cette tune-là. Oui, on adore la bronze à l'émission et à la station, c'est fou. Et justement, elle est porte-parole du concours musicalité. C'est la 19e édition qui s'en vient au mois de mai. On l'a avec nous, Nadia Sediki. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va, vous autres? Wow, ça va, oui. Merci d'être avec nous. Donc, le concours musicalité, on l'a dit, 19e édition. Qu'est-ce que c'est le concours musicalité pour ceux qui ne connaissent pas encore? Ben, c'est un vraiment chouette concours, vraiment ouvert, où les gens peuvent s'inscrire. Je pense que c'est de 12 à 40 ans. Ouais, exact. C'est les gens qui chantent en n'importe quelle langue. Ça peut être des auteurs, compositeurs, interprètes, juste des interprètes, des groupes. Ça peut être de n'importe quel horizon. Ça peut être n'importe quel genre musical, que ce soit du reggae, du country, folk, metal. Fait que tout ça peut, puis voilà, ça va être bien fun. C'est un concours de talent musical, c'est ça le résumé de la chose. Et là, le concours a lieu le 6 mai prochain, donc j'imagine qu'on est encore en période à trouver des participants pour ce concours-là, c'est ça? Oui, exact. Je pense que c'est jusqu'au 24 février qu'on peut s'inscrire. OK. Et donc, on s'inscrit comme ça en passant sur le site web de festivalgrandetribu.com/musicalité. Exact. T'es la porte-parole de cet événement-là. Pourquoi? C'est quoi ta raison qui t'a fait accepter ça? Non, tu sais, on te le demande, tu fais bon comme... C'est ça. Moi, y penser, je te reviens là-dessus. Et t'as dit oui. Ben oui, ben je trouve que c'est vraiment chouette de créer puis d'assouplir des plateformes où les gens peuvent prendre leur envol en musique, en chanson pour commencer. Puis c'est comme une belle porte d'entrée vers ce monde-là. Puis voilà, c'est vraiment, ouais, c'est un super bel événement. Mm-hmm. Est-ce que tu as commencé par un concours, toi, ta carrière? Tu as commencé comment déjà? J'ai participé à ma première place des arts à un moment donné, mais je m'étais même pas rendue en finale. C'est chiant, hein? Hey, sérieusement. Ils savent pas, ils doivent s'en mordre les doigts. Ouais, mais c'est drôle parce que cette année, je suis coach pour les participants, en tout cas. C'est bien ironique, la vie. Mais oui. Mais je pense que, tu sais, il y a plein de parcours possibles, puis les concours, c'est l'un d'eux. Fait que, voilà. Exactement. Ben, justement, tu viens de dire que tu allais être coach. Il y a comme des ateliers de formation, là, dans ce grand concours-là. Ouais. Ben oui, je pense que ça va être vraiment intéressant pour tous les participants. Plein d'ateliers avec des gens vraiment nice, dont moi. Ah, bon. C'est la seule chose importante. La moins nice des gens qui vont donner des ateliers. Mais ça va être vraiment fun. Ouais, ils vont avoir accès à plein de trucs. Puis c'est surtout un beau lieu de rencontre, dans le fond, pour créer une belle cohésion avec les autres participants. Puis il y a souvent des moments bien magiques dans ce genre d'événement-là. Mm-hmm. Il y a des prix en argent. C'est quand même 25 000 $ ce que je vois en ce moment. Tu l'as dit, c'est pour les 12 à 40 ans. Donc, il va y avoir vraiment toutes sortes de monde sur scène. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir. Ben oui, la grande finale qui va être le 6 mai à 19h au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Et ça fait partie du festival Grande Tribu. J'ai de la misère avec le mot tribu. Je sais pas pourquoi. Grande Tribu. C'est un T, un R, juste à poser. C'est ça. Ouais. Qui va être du 4 au 6 mai. Donc, j'imagine qu'il y a des choses à voir là aussi. Donc, allez voir. Oui, nous, entre autres, je vais faire un show le 5 mai, je crois. Fait que, ça va être bien fun. Show de tes chansons, tes hits. Mes plus grands hits, juste pour vous. Ah, c'est fin. Donc, le concours Musicalité, 19e édition, comme je l'ai dit, ça se termine par une finale le 6 mai. D'ici là, on cherche des participants. Donc, allez sur festivalgrandetribu.com/musicalité. Merci, La Bronze. C'est ça, en terminant, il faut comprendre que c'est ouvert à n'importe qui se trouve au Québec. Là. C'est pas juste, ça va se passer du côté du Vieux-Terrebonne, mais quelqu'un à Trois-Rivières peut très bien participer. Mm-hmm. Exactement. On doit envoyer deux démos de chansons pour l'inscription, c'est ça? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Puis après, il y a un jury qui fait une sélection. Mm-hmm. Puis après, les participants se produisent devant le public et la terre entière. Ah, c'est la fun! Hey, on aime ça? Ouais. Voilà. Merci. Voilà. Ben, La Bronze. Merci à vous. Nadia Sidiki. Bonne journée à toi. Et on t'écoute un petit peu partout. On te regarde à Codef sans cesse. C'est ça la fin. Ah oui? Ah, ben oui. Merci. Puis je viens de sortir un clip, il y a quelques minutes. Ah, ben là. Si vous avez envie d'aller voir ça, c'est une collaboration avec Dave Saint-Pierre, avec qui je danse dans un chant. Ah oui, c'est quoi la chanson? C'est la chanson Vertige. Vertige, mais Caroline, quel beau hasard. Mais il y a quelques minutes seulement, là, tu viens de lancer ça. Il y a quelques minutes. Tu mens pas, là. Mon Dieu, preview, là. Caroline, on est des chanceux. C'est vraiment écrit pour... C'est vraiment marqué, il y a 45 minutes. Fait que, tu sais, t'as quand même un peu sous-estimé le temps. Mais bon, ça passe vite, le temps, quand même, faut dire. Oui, c'est vrai, mon Dieu, la vie est trop palpitante. Ça vient de commencer, là. Et voilà, donc, La Bronze avec Vertige. Merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Voyager sans papier jusqu'aux artères de l'univers où s'exaucent les prières, où se déposent nos rivières. Il n'y a rien à craindre avec tous les mots qui nous font atteindre les astres les plus hauts. Nos astres les plus hauts. vertige. On sent le vent qui vient plus libre nous prend dedans et nous érige. Maintenant qu'on est en équilibre, bien assis sur le vertige. On sent le vent qui vient plus libre nous prend dedans et nous érige. Ah, que c'est bon, la bronze avec Vertige, une nouvelle pièce de sa part. Caroline, que c'est fun. Elle est porte-parole, encore une fois, du concours musicalité. C'est jusqu'au 6 mai. En fait, la grande finale est 6 mai à 19h au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Sinon, vous pouvez en ce moment envoyer votre inscription pour participer au concours. C'est les 12 à 40 ans. Vous avez jusqu'au 11 février pour envoyer votre inscription. Par la suite, il va y avoir une pré-audition qui est autour du 5 mars. Mm-hmm. Et par la suite, ça va être les formations et la grande finale, si j'ai bien compris. Voilà, pour plus d'informations, festivalgrandetribu.com/musicalité. Maintenant, c'est le bloc des palmarès, c'est fou. C'est le moment donc de rendre visite à nos très négligés palmarès c'est fou. Et aujourd'hui, on va savoir si les numéros 1 de la semaine passée sont toujours au sommet. Mm-hmm. La semaine passée, si vous étiez avec nous, c'était Ponctuation et Saint Vincent qui étaient au sommet. Et là, on change de palmarès pour la semaine du 5 au 11 février 2018. Alors, écoutons-les et essayons de comprendre. Ou de deviner. De deviner qui est au sommet. Oh. C'est le bloc des numéros 1. Position. C'était les numéro 1 pour la période du 5 au 11 février 2018. On a entendu en francophone les messieurs avec Moi je le situe sur l'album Média. I don't know. En francophone, on vient d'entendre Fever Ray avec To the Moon and Back. Cette pièce-là, je pense que c'est un petit coup de cœur en ce moment pour moi sur l'album Plunge. Et bien bizarre, mais c'est bizarre, ça peut être positif des fois. T'sais. Ouais, en effet. Bref, ce n'est plus ponctuation, oui, et Saint Vincent au sommet, mais bien les messieurs et Fever Ray. Voilà, ouais. Pour la semaine du 5 au 11 février. On va se prendre une petite pause. Ah oui? Ouais, on est en retard des pauses aujourd'hui. On prend pause au retour. Enfin, on célèbre quelque chose. On n'a pas besoin de raison pour célébrer. Ben, une grosse émission chargée. Vraiment? Très chargée, avec plein d'invités, ma foi. Je pense que c'est l'émission où on a eu le plus d'invités. En le moins de temps. Potluck annuel. Oh, quel potluck, exactement. Donc, ben, justement, un peu comme à Noël, hein? Oui. On va célébrer avec quelque chose, mais on ne vous dit pas ce que c'est. Non. Donc, au retour, restez là. Assemblage Reiki, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. J'étais trop occupé à te faire signe que tu revenais de la pause. Ben, je savais. J'ai oublié d'allumer mes affaires. Ben oui, j'ai bien vu ça. Ça se peut-tu? Hey boy! Hein? Avant de continuer avec une grosse pointe d'adresse, ça va être le moment de se renseigner sur ce qui se passe sur le campus. Oui. Avec, chose, là, l'info campus. Hein? Ah ouais, ok, allons-y. Voici maintenant l'info campus, présenté par le journal Zone Campus. L'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières convie les étudiantes et étudiants à son Assemblée générale spéciale le mardi 13 février entre 10h30 et 13h30 au local 10-12 du pavillon de la vie étudiante. Parmi les points abordés, les statuts juridiques de la chasse-galerie, la réforme des statuts et règlements, le dépôt du budget et l'ouverture d'un bureau indépendant pour les plaintes à caractère sexuel. Veuillez noter qu'une levée de cours sera effective durant les heures de l'Assemblée. L'École internationale de français est présentement en période de recrutement pour la période de mai à août. Des postes d'animateurs et de techniciens sont à combler. Pour pouvoir postuler, il faut être étudiant à l'hiver et à l'automne 2018 ou être finissant à l'hiver 2018. Il faut envoyer son curriculum vitae ainsi que sa lettre de motivation à eif.embauche@commercial.uqtr.ca avant le 20 février. La Galerie R3, annexée au pavillon Benjamin Sult, vous invite à l'exposition Cinétique, un projet basé sur des œuvres numériques. Le vernissage aura lieu le 8 février et l'exposition se terminera le 2 mars. L'entrée est gratuite et les heures d'ouverture de la Galerie R3 sont du lundi au vendredi de 10h à 17h. Le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille vous invite à une conférence midi. Le sujet s'intitule « Soutenir les enfants dont un parent ou un proche est atteint d'une maladie mentale, initiative communautaire, Anna et la mère ». La conférence aura lieu le 14 février entre 11h30 et 13h30. Aucun frais n'est exigé. Pour vous inscrire, il faut écrire au francis.coutu@commercial.uqtr.ca. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'est fun, l'Info Campus d'aujourd'hui était même un résumé d'assemblage requis aussi avec les sujets qu'on a abordés plus tôt dans l'émission. On arrive à la fin de la semaine, qu'est-ce que exactement, tout s'est ramassé le jeudi, que voulez-vous. L'Info Campus, oui, qui est présenté par le Zone Campus, écrit par David Ferron, le chef de pupitre, et lu par Taya Baudin, qui est toi. Mm-hmm. C'est toi, ça. Maintenant, c'est le moment de la semaine. Tu l'as dit, le jeudi. On est jeudi. C'est là que ça se passe. Tout se passe en même temps. Et ça nous donne soif. Très soif. Soif. Voici une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en Ah, une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en magasin, en épicerie, en pharmacie, quelque chose de normalement un peu malsain. Normalement. Normalement, mais cette semaine, c'est toi qui nous as amené un produit et je crois pas que ce soit si malsain que ça. Je crois pas que ce soit si malsain que ça parce qu'on se rappelle qu'on a dit la semaine dernière que pour le mois de février, vu que Mathieu et moi participons aux 28 jours sans alcool, nous allions apporter des choses sans alcool. Et c'est Tania qui le fait, parce que moi, je sais pas où me procurer ça. Exactement. Donc, en fait, je me suis procuré il y a de ça quand même un bon petit moment. Okay, du vieux stock, hein? Non, mais c'est pas du vieux stock, mais un mousseux sans alcool. Arrête! Je trippe sur le mousseux dans la vie. C'est bon, les et, deux. Et depuis que j'ai commencé le 28 jours sans alcool... Tu t'en bois beaucoup, hein? Non, c'est la chose qui me manque, en fait. Tu sais, quand t'aimes quelque chose, le goût de quelque chose, c'est ça qui est un petit peu difficile avec le 28 jours. On comprend que c'est pour une bonne cause, mais c'est là qu'on se rend compte aussi parfois qu'on aime le goût de certaines choses. Alors, j'ai fait le test de quelques mousseux sans alcool, en fait. C'est pas le premier que j'essaie. Okay. Mais celui-là, tu l'as jamais essayé. Mais celui-là, je ne l'ai jamais essayé encore. C'est le Frexenet. Le Frexenet, OK. C'est ça. Leggero Sparkling Light Fruity Enjoyment. OK, donc bullesque et petit fruité. C'est ça. Et c'est bien indiqué dessus là, pour être sûr que tous vos amis sachent qu'il est sans alcool. C'est comme écrit en gros rouge. Oui, ça pourrait être plus sans subtil. Alcool. C'est comme si c'était un arrêt stop, en fait. Vraiment, hein? Ben, tu sais, quand on cherche les produits sans lactose à l'épicerie, c'est difficile à trouver. Parce que c'est jamais écrit pareil. Ouais. Tu sais, mais ça, ils ont pas voulu qu'on se trompe. Mais parce que si je me souviens bien, la marque en fond des avec alcool aussi. Alors probablement que c'est pour vraiment différencier les deux. Ouais. On parle ici du plaisir fruité et léger de Frexenet. C'est un bouquet frais et fruité d'un vin soigneusement sélectionné qui vous garantit un caractère harmonieux et équilibré. Alors bien évidemment, il y a du vin sans alcool à l'intérieur, un moût de raisin concentré et rectifié, du dioxyde de carbone pour que ça fasse des petites bulles. Je prends tout le temps mes raisins fructifiés, c'est ça? Ouais, ça plaît ça, Mathieu, ça plaît ça. Et ce qu'il faut comprendre, la grande différence avec un vin normal et un vin sans alcool, c'est que votre vin sans alcool, il y a de fortes chances qu'il y ait une date d'expiration dessus. Oh. Alors, assurez-vous que vous allez le consommer avant la date d'expiration parce que sinon, ça va être pas mal moins bon. Garde d'en voir. Nous, on parle de juillet 2019, fait qu'on est correct, oui, Mathieu. Okay. Et on parle aussi du fait que le vin sans alcool, ça a quand même de bonnes choses. Oui. Entre autres, le fait que c'est beaucoup moins gras. Okay. Beaucoup moins calorique. Alors ici, on parle de 31 calories par verre au lieu d'un verre de mousseux qui normalement est aux alentours de 60 ou 70. Mm-hmm. Tout dépendant comment vous remplissez votre coupe, là, on s'entend. On parle d'un verre. Et là, comme il n'y a pas d'alcool dedans, tu vas vouloir en mettre plus dans ta coupe. Ben, c'est ça, exactement. C'est ça. Notre vin provient de l'Espagne aujourd'hui, Mathieu. On dit de devoir le conserver aux alentours de 6 à 8 degrés. On se rappelle que ce matin, quand je l'ai amené, il était chaud, alors je l'ai foutu dans un banc de neige. Dans un banc de neige caché, hein, pour pas que personne ne voit. Il doit probablement être à moins 30 présentement. Mais ça aurait été le fun, une slush de mousseux. Oui, mais non. C'est ça, hein? Je suis désolée. Ah. Et ça dit réfrigérer après ouverture, mais pourrait pas. Aussi finir après l'ouverture. Oui, c'est surtout ça la chose. On se rappelle que les vins, surtout les mousseux, c'est pas quelque chose que tu peux remettre le bouchon. Non, mais ça se boit bien. Ça se boit bien, ouais. Et surtout sans alcool. C'est hein, un quoi? Et trois quarts, deux tiers de litre, probablement. 1,75. Écoute, ça? Probablement. Je suis présentement rendue au micro magique, ben mesdames, oui. Messieurs. Je vais d'où essayer... le son vraiment atroce, comme d'habitude. Je vais essayer d'ouvrir ça de façon adéquate. Il y a un petit aluminium par-dessus le capuchon. Comme chaque mousseux. C'est j'aime ça. Le fait quand même qu'on reste adéquat ben oui, avec le style de la bouteille. Faut être conséquent. Hein. Oh, elle dévisse comme, comme elle ferait avec du cam. La petite broche sur le bouchon de liège. Oh, là, force-toi pour le pompage. Ouais, ouais, j'aime forcer. Je veux pas que ça vole partout. Non, et je suis juste devant toi. Attention. Oh boy! Ok, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort que ça, mais bravo, tu l'as bien popé. Oh, ça sent bon, Mathieu! Ah oui, ça sent quoi, le raisin fructifié? Ou fraisinette? Ben, c'est sûr que ça sent le raisin, là. Oui. Mais on se rappelle que c'est fait avec du vin sans alcool, donc à la base, peut-être qu'il a été alcoolifié et désalcoolifié par la suite. Ouais. Désalcoolifié. Ouais, j'étais pas sûr, fait que je voulais pas t'en reprendre. Des fois, mais ça sent le mousseux. Ouais. J'aime bien. Est-ce que ça bulle? Ça bulle, okay. Ça bulle, mon gars. On aime ça. Le premier, je l'ai pas fait dans le micro, je vais vous le faire, là. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on entend les petites bulles? Oui, attends un peu. Hey, hein? C'est de la bulle, ça, mon ami? Hein? Hey, ça, on aime ça. T'en veux-tu des bulles? J'aimerais ça avoir ça comme sonnerie, s'il vous plaît. Ben oui, j'imagine ton sel, ça va être comme... Attends, est-ce qu'il y a un son? Pas sûr qu'il y a un son. Oh, une sonnerie ou qu'est-ce une bouteille de champagne qui pop, ça fait alcoolique un peu, mais... Ah, ben pas mal, ouais. Le bouchon de liège, tu l'as dit, sur un mousson, on peut pas le remettre, hein, parce qu'il est comme en forme de cône. C'est ça, exactement. C'est inadéquat, en fait, on le sait. Mais, tu sais, il y a du dioxyde de carbone là-dedans. Oui, exactement. Alors, évidemment, on veut pas nécessairement devoir le remettre parce qu'on va perdre, à un certain moment, le dioxyde de carbone. Mathieu, je passe ton verre de façon sécuritaire. Ok. Et voilà. C'est la vieillesse. Alors, sens-le. Ok. Un petit peu. Ouh, ça sent le vin blanc. Hein? Bien, souvent, ce qui arrive avec les mousseux sans alcool, c'est qu'on va dire que c'est un mou de pomme. Et là, on parle pas d'un mou de pomme. On parle vraiment d'un vin désalcoolisé et un extrait de raisin. Donc, automatiquement... Ah, on a un extrait de raisin. Pas le choix de le faire à chaque fois. Pas le choix. Et là... J'aime le fait que ça sente vraiment comme un mousseux. Ben vraiment. J'ai hâte de voir si le goût va ressembler à certains mousseux que j'ai déjà goûté qui va vraiment rechercher là, les arômes d'un mousseux, mais sans alcool. Alors, c'est du clonage. Ouais, les bulles sont grosses, hein? Oui, vraiment. J'ai hâte qu'ils me rentrent dans le nez. Allons-y. Oh, c'est bon! C'est vraiment très bon! Ah, mon... Oh! Hey, ça a un petit goût qui est vraiment plaisant, ça, là. Il y a le petit kick... Du mousseux. Ouais. Ah, le hockey qui vient d'embarquer. Le c'est des grosses bulles, hein? Grosses bulles. On peut les compter, on les voit sortir de sa bouche. Ça ressemble pas mal à ça. C'est bon, là, mais vraiment j'aime bon. J'aime ça, là. Le mousseux fraisinette. Hey, c'est un des bons que j'ai goûté. Ouais. Ben, moi, j'ai pas goûté les autres, là, mais par comparaison aux autres, est-ce qu'il y avait un goût plus acide? Celui que je préfère jusqu'à présent, c'est le Saint-Régis Brut. Parce que, personnellement, du côté des mousseux, je suis quand même quelqu'un qui aime ce qui est sec. J'aime les mousseux qui vont être secs, qui sont pas sec, trop celui-là. Fruités. Lui, il est fruité, il est pas très, très sec. Donc, le Saint-Régis, il me rejoint plus à ce niveau-là parce qu'il va être vraiment sec. Mais là, ici, ce matin... À 9h35... Ça se boit, hein? Ça se boit, mais il y a une mise à quelque part, de toute façon. Hey, le hockey, après deux gorgées! Ben voyons donc! J'ai vraiment de la difficulté avec tout ce qui est bulle. Ouais, hein? Mais j'adore le mousseux! Elle va mériter un petit boum! Hey, c'est très drôle. Hey, je devrais te faire popper le bouchon, hein, ça m'a fait faire le saut. Pour quelqu'un qui aime le vin blanc fruité et léger, si vous aimez le mousseux, c'est vraiment celui que j'irais. Ouais. Tu sais, je vous recommanderais celui-ci. Faut aimer le sucré. Faut aimer le sucré fruité, mais si vous préférez ce qui est sec, je vous conseille le Saint-Régis. Le Saint-Régis. La bouteille est bleue. OK. Parce qu'il y en a du rosé aussi. Tu trouves ça dans les épiceries ou dans les... Celui-là... C'est vraiment drôle. Ah ben ouais. Celui-là, je l'ai trouvé au IGA, Mathieu. OK. Il y en a aussi à la SAQ, sachez-le. Peut-être pas du côté du mousseux, mais des... Des vins sans alcool, il y en a à la SAQ. Est-ce qu'ils sont difficiles à trouver? Faut que tu le demandes, hein? Non, ils sont pas très, très compliqués à trouver. Je vous dirais que dans le coin des alcools, bien souvent, là, dans le coin des vins... Bon, dans le coin des vins, c'est là que vous allez les retrouver bien souvent. Est-ce que t'as un effet psychologique avec, avec l'alcool sans alcool? Hey, c'est pas, là, mais j'ai vraiment un gros hockey. C'est ridicule, mais je pense que c'est parce que ma première gorgée était vraiment grande. Ouais, hein? Mais c'est tellement bon, t'en veux plein. OK. Donc, le mousseux, fraixinette, hein? De Frexit, F-R-E-I-X-E-N-E-T. Mousseux pétillant. Merci Tania, c'était une très belle découverte. Ça fait... Oh non! J'y étais presque, ça fait plaisir. Du vin sans alcool. Nous, aux Ondes Campus, on a un vin sans cheval. Ah ouais? C'est un nouveau journaliste qui s'appelle Vincent Cheval. Oh mon Dieu! C'est incroyable. C'est parfait. Je peux faire des jeux de mots avec ça. Il viendra nous voir pour du sans alcool. Un vin sans cheval, j'avais jamais vu ça. On prend une pause. Au retour, les nouvelles du fast-food dans la deuxième section Une grosse pointe adresse. Et Tania va se remettre de son incident. Ouais, on espère! Le qui pour toi aujourd'hui, assemblage de qui. Cifou 89.1 FM. FM. Assemblage de qui. Aujourd'hui, assemblage de qui. All I know is that avec Nevermore. Hey, sachez que je n'ai plus le hockey. Ah bon, ben félicitations. Hein. J'ai réussi à le faire disparaître. Comment t'as fait? Mon truc. Ouais. Je prends une grande respiration, je me concentre et je compte jusqu'à 30. Oh, 30. Ouais. C'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. C'est ça. Aller nager, là, je sais pas. Je sais pas. Bref, on était dans une grosse pointe en dresse tout à l'heure et maintenant, c'est les nouvelles du fast-food. Commençons par la nouvelle qu'on ne peut pas éviter. Tous les médias en ont parlé sans vraiment se renseigner à la source. Hein. Tout le monde a parlé, et t'en as sûrement entendu parler, des Doritos pour femmes. Ben oui, c'est quoi cette affaire-là? C'est n'importe quoi, sérieusement. PepsiCo, la compagnie derrière Doritos, ne produit pas des Lady Doritos et ne le fera pas non plus. Mais tu sais, on s'entend que j'ai vu les articles passer, ouais. Je ne les ai pas lus parce que j'étais persuadée que c'était une niaiserie. Hey, TVA en a parlé, ici. Mais s'il vous plaît. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des nouvelles, il y a des chaînes, des médias de nos jours qui font que reprendre des affaires sans vérifier les sources, sans appeler PepsiCo. Et ça fait que tout le monde parle de fake news, mais c'est parce que c'est la faute de qui ces fake news-là? Des gens qui sont naïfs des médias qui sont aussi très, très naïfs. Je trouve ça dommage. Donc, il y avait beaucoup de spéculations par rapport à une version spécifique au genre, donc genrée, hein, de cette collation qu'on aime tant, les Doritos. Après que Indra Nooyi, qui est la directrice générale, la CEO de PepsiCo, dans un épisode récent de la balado-diffusion Freakonomics, elle dit que la compagnie considérait à peut-être lancer une collation qui était spécifiquement faite pour les femmes. Donc elle disait, on regarde ça, on enquête là-dessus et on se prépare à lancer quelques produits bientôt. Mais elle n'a jamais dit spécifiquement que Doritos pour les femmes s'en venait. Mais après ça, ça a évidemment commencé les articles avec des grands titres comme Lady Doritos dedans. Donc Nooyi a exprimé son opinion que les Doritos normaux, réguliers, étaient peut-être un petit peu sales pour les femmes, donc ça a évidemment attiré plein de commentaires négatifs. Ça disait bon que elle disait dans le fond que les femmes avaient de la difficulté à peut-être manger la saveur dans le fond d'un sac en se mettant le sac d'en face, tout ça. Mais ça veut pas dire qu'ils vont créer des Doritos pour femmes du tout. Ils vont peut-être créer des Doritos un peu moins avec un petit peu moins de saveur dessus. Ça disait pourquoi? Aussi que ben, pour tout le monde, pour ceux qui ont peut-être pas envie de se salir les doigts autant. OK, ouais, ça, je suis d'accord, les Doritos, arriver. Là, maintenant, là, hey, ben, c'est sur ça. Ma chip que je veux le fromage, pas sur mes mains. C'est exactement ça. Ça disait aussi, bon, que les dans les articles que vous avez probablement pas lus, mais regardez le grand titre, que les femmes aimaient pas que ça croustille autant. C'est fait, n'importe ça, quoi, ça! C'est n'importe quoi aussi, mais peut-être que ça veut juste dire qu'ils vont faire les Doritos à partir de d'autres sortes de céréales, ou peu importe, qu'est-ce qu'ils vont... Arrête de sortir ton bouchon de mousseux, franchement. T'as l'air de... T'as vraiment l'air alcoolique avec ça. Ah, mais ça sent bon. Bref, c'est ça. C'est faux. C'est pas des Doritos pas vrai, pour femmes. C'est pas vrai, là. Arrêtez. C'est pas vrai. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez de partager tout aussi. Hey, qui aime pas ça quand ça croustille? On veut des chips, là, pas des. Ben oui. Franchement. Puis s'il y a pas quoi, des aubergines. Puis c'est ça. Puis s'ils sortent des chips qui font un petit peu moins de bruit puis qui sont moins attachantes pour les doigts, ben ça va être pour tout le monde qui ont juste envie de pas salir les mains. Bon. Mm-hmm. Hein? Pas d'affaire avec les femmes là-dedans. Ensuite, on a parlé la semaine passée, il y a deux semaines, de bannir les pailles. Je t'avais dit qu'il y avait un État qui bannissait les pailles à moins qu'on le demande. Ben, c'est en Californie, hein? Mais les restaurants, les employés de restaurants, ils n'auront pas en prison pour autant, hein? C'est facile de trouver des pailles un petit peu partout dans les restaurants. Souvent, on va même vous les fournir par défaut. Mais pour calmer la pollution, les décideurs de la Californie, en fait, un décideur, Ian Calderon, a amené un projet de loi en janvier qui allait réduire l'utilisation des pailles de plastique dans les restaurants. Et tout ça, évidemment, ça a causé la controverse, hein, selon Munchies. Donc, présentement, on dit que les employés de restaurant pourrait avoir à payer 1 000 $ en contravention ou passer une sentence en prison de jusqu'à 6 mois s'il donnait une paille aux clients. C'est ce qu'on lisait dans les médias. Calderon, qui est le majority leader de l'Assemblée California State Assembly, dit que le projet de loi n'était pas supposé être aussi intense. C'est plutôt un problème de communication, expliquant au Washington Post que le California Office of Legislative Council, conseil législatif, le bureau du conseil législatif, donc, a fait le brouillon de ce projet de loi-là dans la section du code de santé de l'État, avec des pénalités de prison, mais ils n'ont pas eu le temps de l'arranger. Dans le fond, ils ne voulaient pas vraiment mettre ça, mais ils n'ont pas eu le temps de l'enlever, si on veut. Donc, on va faire un amendement. Amendement, oui, à ce projet de loi-là, avant que ça se rende au comité qui va bien sûr voter là-dessus. Et on prévoit toujours enlever les pénalités criminelles là-dedans. Mais malgré tous les commentaires des gens, on voulait quand même rassurer les gens que ça va avoir lieu quand même. Donc une mesure qui va forcer les restaurants où on s'assoit. Là, on parle pas des fast-food à la McDonald's, on parle des restaurants où on s'assoit et qu'on commande de menu. Ils vont devoir avoir un règlement où tu donnes une paille seulement un client qui demande une paille. Ah, OK, ouais, c'est normal, c'est normal. Moi, je trouve ça très, très bien. Je trouve ça bien. Parce que tant qu'acheter ta paille parce que tu t'en sers pas. Mais c'est pas déjà ça, la règle. Ben non, c'est ça. C'est logique, ça devrait l'être. Donc, les restaurants de fast-food, les cafés et les délits n'auront pas à suivre ce règlement-là. Donc, les pailles qui jouent un petit rôle, mais un rôle indéniable dans le problème du gaspillage du plastique dans le monde. Bien sûr, ça remplit nos dépotoirs. Mm-hmm. Voilà. Ensuite de ça, on parle de gaufres sur bâton. Mm-hmm. Tout ce qui est sur bâton, c'est toujours bon, hein? Pogo, comment on dirait? Les enfants qui sont sur des pogo sticks aussi. Non, pas les enfants. Je parle de jouet, là, le pogo stick. Ah, OK. Bref, c'est une chose maintenant qu'on peut se procurer à Montréal, des gaufres sur bâtonnets. Ben voyons non. Dans le vieux Montréal. Je m'en vais à Montréal. Ben oui, ça s'appelle le La Pop, l'endroit où on va. C'est dans un... ça prend l'espace en fait devant le bar Boho, juste à côté du restaurant californien Venice sur la rue Saint-François-Xavier dans le vieux Montréal. Je sais où. Avec... Oh oui, c'est pas vrai? Ouais. Avec une petite garniture dessus. Le concept est quand même assez simple. C'est des gaufres servis sur bâton et avec des petits fruits, hein, des noix, noix de coco, chocolat et autres. Hein. Mm. C'est servi dans un petit genre de réceptacle pour empêcher les trucs de tomber, ou en tout cas, ça va tomber dans le réceptacle. Et c'est bien sûr une façon optimale de manger quelque chose. Hein? Ça va empêcher les dégâts. Les crêpes, ça va être fantastique. Le La Pop, en passant, c'est pas le premier restaurant avec gaufres sur bâton. Il y a aussi le Bar à gaufres, qui est dans Parc Extension depuis 2017. Mais on dit que ces bâtonnets avec gaufres sont dans une forme différente. Alors, c'est différent chez La Pop. Hein? Est-ce que t'as vu ce qu'ils font aussi? Est-ce que tu parles des Boozy Pops? Oui! Qui sont des... Est-ce que je peux parler dans mes mains, moi aussi? Excuse-moi! Les Boozy Pops, donc des popsicles alcooliques, disponibles en 5 saveurs de cocktails, dont Margarita, Martini et Mojito. C'est produit par la compagnie du même nom et c'est 5% d'alcool par contenu. Ça se prend bien. Il y a aussi les Love Pops, ça c'est des popsicles fancy faits avec du sucre, de la canne de sucre. Ah. Avec plein de saveurs fruitées, mais pas d'alcool. C'est bien, c'est bien, parfait. C'est très bien. La Pop, c'est maintenant ouvert au 436 Saint-François-Xavier de 10h du matin à 18h du lundi au samedi. Allez voir leur page Facebook, c'est LAPOP, La Pop. Pour vrai, ça me tente tellement. Tania, un article qui justement, un peu comme les Lady Doritos tantôt, tu dis, bon, ça a l'air fake. Mm-hmm. Des fois, les études sont publiées dans les journaux médicaux, puis ça peut être faux quand même. Mais je vous en parle, okay. Et on va voir, on va essayer de déduire nous-mêmes si ça peut être vrai. Je pense que oui, en fait. On dit qu'une consommation excessive de gomme à mâcher entraîne des effets laxatifs. Hein? OK. Ouais, laxatif, évidemment, ce qui fait aller à la selle, hein? Évidemment. Ça vient du latin classique laxare, qui veut dire relâcher. Bon, bref, la phénylalanine, qui est avec l'aspartate, l'un des deux constituants de l'aspartame, un dipeptide utilisé comme édulcorant, donc comme faux sucre dans les boissons et les aliments qu'on dit légers, hein, pour son pouvoir sucrant 200 fois supérieur à celui du saccharose et pour sa faible valeur énergétique. La phénylalanine, qui est présente, bien sûr, dans les gommes à mâcher, et ceux-ci contenant en grande majorité de l'aspartame, ben c'est ça, ça peut avoir des effets laxatifs. Oh my god, ouais. Je ne savais pas ça. À des quantités plus grandes. Évidemment, il faudrait évidemment. Manger 2 à 3 paquets de gomme par jour. Hi! Wow, menace. Donc, on se calme sur le chewing-gum. Voilà. Mm-hmm. Question pour toi, Tania. Est-ce que tu sais s'il faut vraiment réfrigérer de la pizza, des restants de pizza, quand tu commandes ça, tu ne la manges pas au complet? Est-ce ouais. que tu la mets au frigo? Est-ce que tu la laisses sur le dessus du frigidaire? Tu sais, des fois, là, les gens font ça. Moi, je la mets au frigo. Ben, moi aussi, je la mets au frigo. Donc, Benjamin Chapman, qui est un spécialiste en sécurité alimentaire à la North Carolina State University, dit que les gens ne tombent pas assez souvent malades de pizza non réfrigérée pour que ce soit un problème de santé publique. Hein? Wow. Donc, c'est une question d'activité de l'eau, Chapman nous dit. Le pain et le fromage sont trop secs pour attirer les microbes. La sauce tomate a un petit peu de liquide, d'humidité dedans, mais son acidité l'empêche de propager les bactéries. Ensuite, on change le calcul avec les garnitures qu'il y a sur le dessus. Si vous commandez donc votre pizza avec des tomates en dés dessus, ben celle-là, il faudrait la mettre au frigo. Hein? On a aussi demandé à Chapman par rapport à d'autres garnitures, entre juteux et plus secs. Le pepperoni, c'est correct. Les poivrons verts, les piments, le poulet buffalo, c'est correct s'il y avait assez d'eau qui a été retirée lors de la cuisson. Donc, comment savoir? Ben, tu peux pas le savoir. C'est ce qu'il nous dit, Chapman. Tu peux juste pas le savoir. Donc, si t'as un jugement à faire et que tu veux pas avoir de problème, ben, mets ça au réfrigérateur. Bon. C'est comme ça. Simple de même. Bonne idée. Simple de même. Ensuite, allons-y avec... j'ai envie de parler de science un petit peu dans ce cas-ci. Les supporters plus déçus lors de matchs sportifs mangent plus de gras. Au lendemain d'une défaite, ils mangent leurs émotions. C'est ça. Au lendemain d'une défaite d'une équipe de sport, les supporters déçus ont tendance à manger plus gras et plus calorique pour se consoler. À l'inverse, lorsque leur club favori gagne, une alimentation plus saine, plus saine, oh, plus saine, plus saine, je sais pas pourquoi, et privilégiée. Donc, ils voudraient mieux soutenir une équipe qui gagne, hein? Avec les fans des Canadiens, là, hein? Quand les supporters se désespèrent devant le résultat final, il y a fort à parier qu'inconsciemment, ceux-ci mangeront davantage de graisse saturée le lendemain pour se rassurer et se consoler, si on se fie à une recherche publiée dans Psychological Science. Seul le résultat compte et seule la victoire est belle, car ça nous évite de grossir. Voilà. Le sport est connu pour déchaîner les passions, nous dit Futura Science. De précédentes recherches avaient montré que le résultat d'une rencontre sportive pouvait modifier le comportement. Ainsi, une défaite mal encaissée peut favoriser la violence domestique, les accidents de voiture ou les attaques cardiaques. Preuve que l'issue d'une rencontre affecte vraiment les émotions de certains. Ensuite, on parle de mastication. Ben oui, c'est important. On a parlé avec toi un petit peu plus tôt cette semaine dans une de tes chroniques santé et alimentation que les gens, les Canadiens... On mastique pas. Mastique pas assez. Donc, l'alimentation, nous dit encore une fois Futura Science, devient de plus en plus molle et rapide à ingérer. Et cette habitude facilite les prises nomades n'importe où, donc sandwich à la main. Hein. Mm-hmm. On mange en faisant autre chose. Et ce remplissage n'obéit plus aux règles des repas et on est frappé dans nos mégalopoles d'observer à toute heure de la journée des fast-foods continuellement emplis de consommateurs. Le rythme circadien est rompu. On peut être en auto-perfusion alimentaire continuelle, nous dit-on. Le modernisme instaure de nouvelles règles de conduite alimentaire, incitant les clients à ne plus écouter leurs signaux sans trop de satiété, mais à manger encore, consommer et faire fonctionner à plein les chaînes de restauration rapide. Le fait d'avaler se fait sans mastication, sans solliciter nos dents. On avale, mais on ne déguste plus. On est prêt à ingurgiter des calories sans réfléchir, occupé que nous sommes à enfourner une autre pelletée d'aliments prédigérés. Hein, c'est bien écrit. Qu'est-ce qu'il y a de pertinent dans l'article, là? Attends un petit peu. Voilà. Il est important de redonner toute sa place à une alimentation constante qui offre une résistance en bouche, à même de solliciter les récepteurs gustatifs et d'offrir donc un mode de récompense au cerveau. Car l'alimentation doit procurer avant tout du plaisir. Donc une résolution à tenir en 2018 de peut-être marcher plus. Et on parle de lait végétaux pour terminer. Le soya serait la meilleure alternative. Soja, indépendant. Oui, c'est au Canada que ça se passe. Les chercheurs ont comparé 4 laits végétaux. Les laits de soja, d'amande, de coco et de riz. Et d'après eux, du point de vue nutritionnel, le lait de soja est l'alternative au lait de vache la plus intéressante. L'allergie au lait est fréquente chez les enfants. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont intolérantes au lactose. Nous deux en premier, on le dit tout le temps. Hein? On n'a pas de lactase fonctionnelle pour défaire. C'est l'enzyme qui digère le lactose. C'est pour ça que quand on parle de lait sans lactose, c'est pas ça. C'est du lait avec lactase ajouté pour venir aider à la digestion du lactose. Bref, ça serait moins vendeur comme étiquette, je pense. Ouais, les boissons végétales... les boissons végétales sans lactose qui proposent une alternative au lait de vache sont donc de plus en plus présentes dans les rayons des marchés, des épiceries. Mais que choisir entre les laits de soja, de coco, les laits d'oléagineux comme le lait d'amande, de noisette et autres, ou des boissons aux céréales comme avoine, riz, épeautre, millet ou sarrasin? Donc, les chercheurs de l'Université McGill se sont concentrés sur les 4 boissons végétales les plus consommées au monde. Ils ont comparé leur composition avec la valeur nutritionnelle du lait de vache et leurs résultats sont parus dans la revue Journal of Food Science and Technology. D'après ces scientifiques-là, le lait de soya apparaît comme le plus nutritif des 4. Sa valeur nutritionnelle est la plus proche du lait de vache et il est le plus riche en protéines. Le lait de soya contient aussi des isoflavones, des phytoestrogènes connus pour atténuer les symptômes de la ménopause. Cependant, certaines personnes sont allergiques au soya aussi. Le lait d'amande, souvent apprécié pour son goût, contient des acides gras monoinsaturés et le lait de coco est riche en lipides saturés. Le lait de riz est le plus calorique des laits végétaux, riche en glucides, son index glycémique est élevé. Et on rappelle aussi que les laits végétaux sont déconseillés aux bébés, donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Voilà pour une grosse pointe d'adresse. Les liens sont dans les notes de l'émission sur assemblagerequis.com, dans les notes de l'émission numéro 1200. Pour ne pas dire 1200, parce que ça me donne l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai l'émission sur là. Donc, c'est là-dessus qu'on se termine ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Alors, merci nos nombreux invités aujourd'hui, Tania. On est-tu prêt? Est-ce que tu te rappelles? OK, attends. David Ferron. Ferron, mais oui. Alassania. Samuel et Cynthia. Cynthia. Oui. La Bronze. La Bronze. Sophie Villeneuve. Aussi. Toi, Tania Baudin. Toi, Mathieu Plante. Hey, Colin, cette émission-là a été mouvementée. Hein, il s'en est passé. Il y a eu des revirements de situation sans cesse. On a commencé en retard. Ouais, je m'en rappelle déjà plus. Ça. Je m'en rappelle plus. On s'en souvient pas. Lundi, demain à l'émission, demain. ce sera notre émission week-end. Avec les meilleurs moments de la semaine. Oui. Comme le dit la chanson thème. Exactement. Restez sur nos ondes pour écouter, entre autres, la rediffusion du Mathieu Planchot à partir de 13h, la rediffusion du Prétexte avec Maxime Tanguay à 16h, en direct, la sortie de secours est à votre gauche à 18h, et finalement, 13h12 à Cifou va être en direct aussi à partir de 19h. Cifou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion, et on se retrouve demain à 7h. Et bon café tout le monde! Bye! Bye.